Cocon Millennial vous est présenté par... Les bâtons de la mort. Ah, les bâtons de la mort. Tu les stiffes, les bâtons de la mort. Tu te les fous partout, les bâtons de la mort. J'aime ça, les bâtons de la mort. Les bâtons de la mort. Ah, les bâtons de la mort. Depuis le moment où tu m'es apparu, il y a déjà si longtemps, chaque jour, sans exception, j'ai pensé à toi. Et maintenant, nous sommes réunis. C'est pire encore. Quand je suis près de toi, je souffre le martyre. Et à l'idée que je pourrais ne plus te voir, je suis désespéré. Ce baiser que tu m'as donné hante mes jours et mes nuits. Dans mes cauchemars, il ne m'en reste plus qu'une cicatrice qui ne se refermera jamais. Tu t'es emparé de mon cœur et tu le mets au supplice. Dis-moi ce que je dois faire. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Si tu souffres autant que moi, je t'en supplie, dis-le-moi. Non. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast qui aime bien le sable, enfin, dans une certaine mesure quand même. Je suis Grushkov, et comme d'habitude, je serai accompagné de mes chers camarades Tuki, salut, Matt, salut, et Ximnut, hello, mais aussi trois invités, Jean-Euseb, bonsoir, Tristenza, salut, qu'on a déjà vu quand on avait parlé de Anakin, du coup on va pouvoir continuer. Et une guest vidéaste connue jusqu'aux confins de la galaxie, créatrice de l'émission Adaptation qui parle d'adaptation de livres et de bandes dessinées en film, et de nombreux cookies, des vidéos de 3 minutes maximum dans lesquelles elle répond aux questions de merde que se prennent les féministes. Donc je vous demande d'applaudir Ginger Force. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. C'est bien. On a eu beaucoup de difficultés pour lancer cette émission, mais... Ça a été compliqué, mais ça y est, je suis là. Mais oui. Alors là, on peut encore l'applaudir parce que franchement, c'était compliqué. Ténacité des Jedi. Et en plus de ça, elle est là aujourd'hui parce qu'on va parler de... Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, et du coup elle a dû le revoir exprès pour l'occasion. L'attaque du cringe. Ah, l'attaque ouais. Du cringe, oui, c'est ça. C'était vraiment... Ça va être une émission compliquée, je sais qu'on a dit qu'on allait toujours essayer de rester le plus positif possible, mais je préfère vous prévenir, ça va être difficile aujourd'hui. Je pense qu'ils nous ont poussé à ouais. Non, mais il y a des trucs bien dans l'attaque des clones. Oui, mais justement. Le générique de fin. Je te laisse le pré... Et encore, il met un peu de temps à venir. Donc justement, Matt, je vais te laisser un peu présenter le film pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui connaîtraient pas, ce qui serait étrange, mais bon, on sait jamais. Oui, il y a peu de chances quand même que quelqu'un qui écoute un podcast sur Star Wars connaisse pas l'épisode 2, mais c'est un film qui est donc sorti en 2002, réalisé par George Lucas, hélas, et qui... Ouais. se déroule donc 10 ans après les événements de la menace fantôme dont on a parlé il y a maintenant quelques semaines effectivement, et qui proplace un petit peu avant la guerre galactique, on va dire la guerre des clones, hein. Voilà, la guerre des clones vraiment, parce que c'est l'attaque des clones, ils arrivent à ce moment-là. Voilà, en gros, la République est un petit peu en train de se diviser, ça commence à faire sécession d'un peu partout. Mais c'est pas encore, ça chauffe, mais on n'est pas encore là, et c'est là que vraiment la guerre des clones débute, en fait, simplement, quoi. Voilà. C'est bon, c'était sympa. Allez, c'est fini, ciao. À la prochaine. Allez, bye. Mais on n'a pas dit les moments où c'était cringe. Ah oui, c'est vrai, attendez. C'est tout le temps. Il manque trois quarts du film, là. Oui, donc justement, on retrouve certains personnages du premier film, donc notamment Obi-Wan Kenobi, hein, qui est joué par Ewan McGregor, hein, le meilleur. Avec une coupe mulet, donc un peu moins le meilleur. Mais... Ce brushing est vraiment digne de l'enfer. Et une barbe en CGI la moitié du temps, avec des oui. yeux explosés vert fluo. Oui, alors... C'est épique. Voilà. Oui, mais c'est le seul qui n'a pas oublié de jouer. C'est oui. les bâtons de la mort. Mais il a oublié sa barbe, de toute évidence. Une barbe en CGI. Alors, il y a des plans où on dirait qu'ils lui ont modifié la moitié du visage. Il se ressemble pas à lui-même. Il a des yeux d'une couleur absolument pas humaine. Et sa barbe a l'air d'avoir été rajoutée parce qu'il a presque plus de menton. Vraiment. Okay. Il y a des plans où il est dégueulasse. J'ai loupé ça. Voilà. Physiquement. Alors, c'est peut-être une doublure maquillée au CGI, justement, et c'est craquera. Trop proche de lui pour que ce soit lui, je sais pas. Mais du coup, il y a aussi le meilleur qui arrive, le deuxième meilleur, Anakin Skywalker, qui n'est plus joué par le petit Jake Lloyd, mais par Hayden Christensen, qui donne tout ce qu'il a pour être le plus cringe possible. C'est le malaise. Et on y croit. Et c'est réussi. C'est justement pour ça que j'ai voulu faire appel à Ginger Force, parce que parler des relations toxiques, je pense que il nous fallait quelqu'un de bien placé. Exactement, quelqu'un d'énervé. Voilà. Donc c'est pour ça, je vous préviens, ça va être difficile. Bon, évidemment, il y a Yoda qui revient en CGI pour la première fois de la saga. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Yawatu, il est dégueulasse, mais c'est parce qu'il a vieilli, il a de la barbe et des mouches autour. Mais sinon, ça va, il est bien fait. Ouais, mais il y a Jango Fett. Le mec dont on se foutait un peu, mais il est là. Oui, mais il est là. C'est vrai. Il est présent. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que pour cette émission, comme d'habitude, il fallait prendre des notes et la seule personne qui a pris des notes, c'était Ginger Force. Alors, je suis désolé, j'ai pris des notes aussi. Une femme sérieuse. Non, mais non, justement, c'est nous qui sommes désolés. Mais... Du coup, le film commence dans l'espace. Comme d'habitude. Et donc, il y a le vaisseau de la sénatrice, qui n'est plus reine, Padmé Amidala, qui arrive sur Coruscant. Il y a un odieux attentat qui est perpétré à l'encontre de sa personne. Mais c'est pas grave, c'était une doublure, on l'oublie très vite. Combien elle en a Des centaines, je pense. Ouais, des vivantes, tu veux dire? Est-ce que c'est des Expendables? Est-ce qu'elle en a un stock comme ça? Parce qu'elle aussi, elle doit faire du clonage. En fait, si je me souviens bien, elles sont toutes formées ensemble dans une école. Et puis à la fin, il y en a une qui est sélectionnée pour être la reine. Et les autres deviennent ses doublures, du coup. Donc c'est... Ah, ça aussi, c'est cringe, en fait. Ah, mais c'est la télé-réalité, en fait. Oui. C'est ça. qui sera la nouvelle reine de Naboo? Pour Padmé, voter un. Une candidate de 14 ans. Ouais, c'est ça. C'est dans tout, elle a Padmé School. Qui sera la nouvelle Padmé? Parce que finalement, c'est super bizarre. Ils les sélectionnent pas forcément parce qu'elles sont compétentes, mais juste parce qu'elles se ressemblent toutes et qu'elles peuvent faire des bonnes doublures. Et ils les forment en fait depuis toute gamine jusqu'à, j'imagine, je ne sais plus, 14 ans. Ah, donc ça là, va, s'ils le les prennent suffisamment jeunes, ça va. Ouais. Mais il y a un bouquin qui vient de sortir sur le. Sur Padmé, justement. Oui, apparemment c'est moins cringe. C'est-à-dire que maintenant, ils commencent à apprendre de leurs erreurs, je pense. Enfin, des erreurs de genre, je lui casse mon chien. Les mecs, ils sont en train de tout sortir des cartons, ils font putain. C'est sérieux. On peut pas réussir. Putain, Georges. Alors, quand même, si on revient à la scène d'ouverture, c'est un truc que notamment Matt avait tweeté quand il avait regardé le film. Ça a pas les décors et les trucs en 3D en CGI, ça a pas méga bien vieilli. Toute cette scène d'ouverture avec les nuages c'est pas super beau. Ce qui a mal vieilli, c'est pas la scène avec le vaisseau, c'est pas l'atterrissage du vaisseau. Ce qui a vraiment mal vieilli, c'est les passages de dialogue, bon, de courts dialogues qu'il y a, mais effectivement, on a du coup Padmé, mais habillé en pilote avec le, je crois que c'est même plus le capitaine Panaka, mais un autre Tifo, token à la place. Ouais, c'est le capitaine Tifo. Ah, il est juste là pour dire, c'est le quota, quoi. C'est comme Mace Windu, c'est pareil, ils sont juste là pour dire, regardez. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui coûte moins cher, qui coûte et, moins cher que l'autre. Il y en a qui bouffe moins le budget aussi. Mais voilà, il est présent, en tout cas, il est là. Mais en tout cas, ils sont sur un, je pense, un fond vert, hein, sûrement, encore une fois. Ouais. Et derrière, ouais, vraiment, les espèces de nuages, la brume a super mal vieilli. On dirait vraiment une incrustation dégueulasse. C'est, Ouais, voilà, je te trouve un peu gentil. Je trouve que, honnêtement, par rapport à l'épisode 1, qui peut-être faisait un peu moins de CGI, je trouve que c'est plus moche. Alors, les vaisseaux ont bien vieilli. Là, ces incrustations font vraiment, voilà, ça fait fan film des années 2010, quoi. C'est vraiment, techniquement, ça a pris cher. Et puis le jeu aide pas non plus. Ouais. Alors perso, je me souvenais même plus de la scène d'ouverture. C'est-à-dire qu'on a regardé le film, j'ai fait, mais attends, mais ça commence comme ça? Mais c'est pourtant... quoi? Mais j'ai jamais vu cette scène. Mais qu'est-ce que c'est? Et pourtant, en plus, il y a un truc mémorable dans cette scène, c'est que c'est le seul Star Wars où à la fin du texte déroulant, la caméra va vers le haut et pas vers le bas. Ah. Voilà, c'est tout. Sinon, le reste, c'est nul. Ça, c'était la seule note que t'as pris pour ce film. C'était pour nous dire ça. Voilà, c'est ça. Bah, perso, ce qui m'a choqué en fait dans la scène d'ouverture, c'est que t'as quelqu'un qui fait péter le vaisseau de Padmé. Mais genre, t'as juste trois Pékins qui courent mollement vers le vaisseau pour voir ce qui se passe. Genre, il y a pas une sorte de cohorte pour l'accueillir lorsque le vaisseau atterrit, quoi. C'est juste les trois mecs qui étaient là, le balayeur, celui qui fait les signaux de lumière, et puis, et puis les pilotes, ils sont là, ils font « Oh, merde !» Bon, on y va. Le pilote, il fait « Oh, merde, mon vaisseau !» Bon, okay. C'est ça. Putain, je sais pas si l'assurance va le prendre... si ça va être pris en charge par l'assurance... Mais tout le monde s'en fout, en fait, que le truc explose et... Oui. Je trouve ça naze, en fait, pour commencer. Enfin, c'est très bizarre. C'est-à-dire que c'est comme le public. Tout le monde s'en fout. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai remarqué que la doublure de Padmé avait pas de chaussures. Alors, je vais dire quelle conclusion. Mais du coup, je me demande, est-ce que l'idée c'était qu'elles ont été soufflées par l'explosion? Est-ce qu'elles sont restées sur la rampe? Ou est-ce qu'elle était pieds nus juste? Bah, non, elle jouait dans son rayon, elle s'est trompée de fille. Alors, elle jouait pas pieds nus parce que nous, on a fini de regarder le film quand Grushkov était en train de tout installer. Et justement, au moment où elle descend du vaisseau, j'étais là, j'ai dit à Jean-Yves, oh, mais comment elle marche? C'est n'importe quoi! Et elle avait des chaussures à talons. Donc ces chaussures ont été soufflées par l'explosion ou alors elles sont restées collées sur la rampe. Elles ont peut-être fondu instantanément avec le souffle. D'ailleurs, l'explosion, elle vient de l'intérieur du vaisseau. Oui. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire péter le vaisseau n'importe quand, mais ils ont attendu que le vaisseau se pose, qu'elle commence à sortir et là, oh merde, le timing les gars, le timing, faites péter le vaisseau. Nous sommes des professionnels. Laissez-nous faire. Mais de façon générale, il y a un timing de fou. Tant qu'on parlait des effets spéciaux un peu loupés, je trouvais que, pareil, c'est un truc que j'ai vu dans le film entier, j'ai l'impression, c'est que les explosions sont vraiment mal intégrées. J'ai l'impression, tu sais, que c'est vidéos YouTube où des gens prennent des stocks d'explosions. Alors, j'exagère un peu, mais je trouve que pour un film qui doit avoir plusieurs millions de budget, je trouvais que c'était super mal fichu. Pour un film avec un budget pareil, on peut pas juste mettre ça sur le compte de l'âge, parce qu'il y a des films de cette époque qui ont mieux vieilli que celui-là. Bah, il y a aussi le fait qu'il a été fait un petit peu dans la précipitation, et je pense aussi que... le truc, c'est que George Lucas, il a dû revoir un petit peu ce qu'il avait prévu pour l'épisode 2 suite à l'accueil, notamment de l'épisode 1. On en parlera peut-être plus tard, mais je pense que c'est notamment... Il a notamment fait ça pour le personnage de Jar Jar Binks. Mais le problème, je pense, c'est que le film a été tellement... le premier film a été tellement dézingué par la critique à plein de niveaux différents que le mec a dû se dire « Oula, non, alors je vais faire un truc super gritty, super sombre, avec des explosions et des morts, et puis on va bâcler un peu le scénario. » C'est pas impossible. Un peu, oui. C'est un sacré euphémisme. Donc, on a fini avec la première scène, après un quart d'heure. Mais de toute façon, il y a des redites d'une scène à une autre, on va pas tout redire à chaque fois. Ouais, mais c'est vrai. La seconde scène, donc, ça se passe dans le bureau Palpatine, rouge, en velours, moquette rouge sur le sol et sur les murs. Non, le sol est... Alors, je crois que le sol est gris, les meubles sont noirs et les murs sont rouges, un truc comme ça. Les murs sont rouges, ouais. Non, les meubles sont gris. Les meubles sont gris. Ouais, le sol est rouge. Non, le sol est pas rouge. En tout cas, ça ne peut absolument pas être le bureau d'un méchant. C'est, voilà, c'est ça, c'est absolument pas le bureau d'un méchant. Non, pas du tout, c'est pas... Et après, on s'étonne qu'on fait 2 heures. Écoute, le code couleur a son importance. Le mec, il n'y a pas une déco. Si, je crois qu'il y a 2 statues et c'est tout. Sinon, c'est que des chaises et des bancs. Et comme déco dans cette scène-là, il a plein de Jedi qui servent à rien, qui font piquer. Il n'y en a que 2 qui parlent avec lui. Et tout le reste, ils servent à rien. Le mec, c'est un salaud. Il n'a même pas sorti des cacahuètes pour les invités. Quoi. Ils ont peut-être des allergies. Ouais, merde. Padmé arrive et elle fait « Oh, mais c'est un Jedi, là, votre comte Dooku, là. Je suis sûr que c'est lui qui m'a attaqué. » Et du coup, eux, ils viennent en tant que bon mec. Ils viennent lui mansplainer que non, elle a tort. Ce qui est très bien. Je pense que c'est Dooku. Alors là. Ah, tu as raison, le sol est. Le sol est blanc, les meubles sont gris, les murs sont rouges. Non, à la fin des escaliers, c'est rouge. Ah oui, ok. Voilà. Le sol est blanc et rouge, ok. Ok. Voilà. Matt avait quelque chose à dire. Non, c'était tout à l'heure. Ah non, c'était tout à l'heure. Bon, bah, Matt ne parle pas, c'est pas grave. Oui, et du coup, oui, la nana, elle fait « Oui, alors, je pense que c'est Dooku, hein, parce que c'est le plus logique, etc. » Et puis « Ah non, mais Dooku, c'était un Jedi, hein. Les Jedi, ils peuvent être que bons. » Puis en plus, c'est pas son genre de faire la guerre, tout ouais, ça. Ouais, c'est pas son genre de tuer des gens. Non, non, il est pacifiste. Il a des idées un peu farfelues, mais ça va. Et alors après, et quand coup, même, ils l'ont connu eux-mêmes. Ça semble pas totalement illogique qu'ils le défendent de cette manière-là. Vu qu'ils ont fait partie du même ordre, qu'ils se sont fréquentés, que même que Yoda était son ancien maître, ça... Ouais, mais est-ce que tu peux vraiment faire confiance à un mec qui est joué par Christopher Lee? Oui, mais les gars, ils réfléchissent pas, c'est un argument. C'est un argument. Le mec, il est trop dark aussi, hein. Il s'habille en noir, il a une voix super grave. Ouais, mais grave. Ils le savent pas encore à ce moment-là. Non, mais... À l'époque, ils n'ont pas encore vu Le Seigneur des Anneaux, parce que moi, je trouve ça terrifiant. Ça fait un peu fraternité, quand même, les mecs, ils courent. Non, non, mais c'est un bon gars, on l'aime bien. Oui, non, les Jedi, ils peuvent pas être... Non, on est des gars bien, on est droits, nous. Ouais, droits. Je rajouterai un E à la fin, mais ouais, c'est ça. Là, pour le coup, c'est vrai, parce que c'est tout un argument qu'on voit tout au long du film, c'est que les mecs voient rien, en fait. Et ils n'arrivent pas à l'admettre, et surtout, ils le cachent. Ils disent, peut-être qu'à un moment, ils en parlent. Peut-être qu'on devait leur dire qu'on n'arrive plus trop à voir dans la force. Mais ils disent, non, non, on va régler ça entre nous. T'inquiète, Mass. Non, les gens, ils vont dire qu'on est nuls. Faut surtout pas leur dire. Et il a la honte. Yoda, il fait, oh non, mais déjà que je traîne avec vous. C'est bon, j'ai une réputation à tenir, moi. C'est pour ça qu'à la fin de la trilogie, il se casse sur Dagobah. Oh putain, j'en ai marre, c'est con. J'en peux plus de vous. Ouais. Donc, suite à cette scène, ils disent bon, on va quand même, te mettre des dégâts pour te protéger. Qu'est-ce que tu dis de ce mec-là qui ne se cache absolument pas du fait qu'il fait des rêves de toi depuis tout le temps, 10 ans, depuis 10 ans, et dire, toutes les nuits si tu l'écoutes, sauf les nuits où il rêve de sa mère. C'est ça. Oh là là, alors, moi, je rêve soit de toi, soit de ma mère, et elle. C'est comme ça qu'il la drague. Hein. Coming, juste comme ça, hein. Parce que je suis psy, mais ça sent le dip un peu dégueulasse. Voilà. Je crois qu'il le dit carrément à un moment donné, hein, un peu plus loin. Il dit oh, j'ai un Oedip quand même. Et l'autre, entre deux poires, c'est quoi? C'est une race d'aliens, ça? Et ils sont dans l'ascenseur, Anakin et Obi-Wan. En tu me rappelles ma mère. Non mais c'est au point que le mec, Obi-Wan lui dit « Arrête, t'es en train de suer, là, calme-toi, le mec il est vraiment à fond. » Il lui fait « Voilà, tes pensées te trahissent, j'aimerais bien savoir ce qu'il a vu. Oh là là, Anakin, tes pensées te trahissent. » Le mec il en peut plus là, ça fait 10 ans. Non c'est ça, puis un truc, parce que du coup dans mes notes j'ai noté 2-3 répliques du film, et du coup t'as Anakin qui arrive, qui fait un peu du randonneur à Padmé, et elle lui sort « Pour moi tu restes le petit garçon de Tatooine. Oui, » oui. C'est gênant. Alors là, ouais. Il fait oh, c'est comme ma mère. Oui, c'est cringe. Après, elle se marie avec et elle a un enfant avec. Mais tu seras toujours ce petit garçon pour moi. Oh non. Mais en fait, quand sa mère meurt, il la remplace par Padmé en fait. non, mais non, mais non, mais sa fixette qu'il fait sur sa mère qui du coup est morte, il la reporte sur pas de nez en disant bah tu vois, je vais défier la mort machin, oui, empêcher les gens de mourir. Et je vais commencer par toi, même si t'es pas d'accord. Mais ça, on en parlera dans le prochain film. Non, parce que je t'ai vu accoucher et ça avait l'air violent, donc je suis sûr que tu meurs. Non, c'est juste un accouchement, mec. C'est dommage, parce que c'est pas la relation entre Anakin et Padmé en soi qui est mauvaise, c'est la manière dont elle est traitée. Ça aurait pu être bien fait. Il y aurait une manière de bien le traiter. À commencer pas de ouf, hein. Ouais, je suis pas d'accord, parce que je veux dire, même si on va dire que Padmé dans La Menace Fantôme, elle a... on dit qu'elle a 15 ou 16 ans, ça veut dire qu'ils ont mis une adolescente à la tête d'une planète. Bah et ouais. Anakin, il a 6 ou 7 ans de moins, ça veut dire que la meuf, elle a presque 10 ans de plus que lui, mais qu'il n'y a aucun souci, est-ce qu'il y a une relation entre eux, alors que, enfin, je sais pas, je trouve ça hyper glauque, quoi. Surtout qu'elle, elle dit plusieurs fois qu'elle le voit comme un petit garçon, et elle lui dit plusieurs fois, enfin, tu me gênes, je ne céderai pas, tu arrêtes. Et lui, il est, monsieur, ah ben justement, c'est ce que je voulais dire. Puis il continue. Et puis il lui dit, oh, le sable, c'est nul, elle fait, ok, embrasse-moi. Non. C'est même pas vrai. Et il dit le sable c'est nul. Et puis là il voit qu'elle a un dos nu. Du coup il commence à la toucher. Il la touche en lui matant les bouts. Voilà, on garde ça pour après. Attendez. Oui. Ouais. Oui. Allez, le meilleur pour la fin. Alors juste un dernier truc avant. Justement c'est ce que je voulais dire. C'est tout cet aspect là et c'est l'aspect mauvais qui n'aurait pas dû apparaître. C'est évidemment que c'est pas des trucs qu'on aurait dû garder, mais ce que tu disais, Ginger, sur l'aspect justement reine de Naboo, ça aurait pu être intéressant d'avoir deux gamins qui ont été placés beaucoup trop tôt dans des responsabilités qui les dépassent. Ça aurait pu être une manière de les lier plutôt que de le faire avec du rentre dedans et avec Padmé qui commence vraiment à en avoir marre et qui a beau lui dire que l'autre il écoute rien. Ça, c'était la mauvaise manière de le faire. Oui, effectivement, et de montrer que d'en faire des personnages qui avaient plus ou moins le même âge, mais dès le premier film, en fait. Ouais, voilà. Éventuellement, oui. Et qui se revoit, genre pas le mec qui te fait « Ouais, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, mais... je rêve de toi. J'ai beaucoup rêvé de toi. Mais je t'ai pas oublié. Hé, hey, Padmé, t'as déjà entendu parler des rêves humides ?» Mais ça, c'est un truc de Jedi. Je suis désolé, mais ça peut directement sortir du film, hein, ce genre de truc. C'est vrai, c'est vrai. Au point où on en est. Voilà, ils sont assignés à son truc. Mais voilà, justement, dans la scène d'après, c'est la nuit, elle dort, et puis il fait « Oh, elle a coupé les caméras, je crois qu'elle aime pas que je la regarde. » C'est horrible. C'est vrai. Mais c'est pas grave, parce que je peux sentir tout ce qui se passe dans la pièce. Oui, voilà, oui. Ouais. Alors d'ailleurs, aussi, dans cette scène, il y a le prolongement d'une engueulade entre Obi et Anakin. Oui. Avec Anakin qui se sent plus, là, qui se prend pour le grand maître Jedi et qui veut tout résoudre à sa manière. Oui, puis alors le gars, c'est... Alors, on nous a dit de protéger Padmé. Oui, donc ça veut dire qu'on doit enquêter. Non, on nous a dit protéger Padmé. Oui, mais du coup, ça sous-entend qu'on doit enquêter. Non, mec, on a dit protège Padmé. Mais si on enquête, on peut la protéger en même temps, ah, tu oui. vois. Regarde, genre, quand on l'a laissée toute seule dans sa chambre et qu'on est parti courir dans des vaisseaux... Bah on la protège. C'est clair. Ça aurait été drôle qu'en fait l'assassin elle vienne et puis elle lui tire simplement dessus pendant que eux ils sont en train de poursuivre. C'est ce que je disais. Au lieu de les poursuivre dans le bar là, le nightclub, elle aurait dû faire. Ok, ils sont cons. Se casser et aller rebuter la meuf. Enfin, je sais pas. Au lieu de se dire oh c'est des Jedi. Tiens, je vais essayer de les prendre par surprise avec un blaster. C'est des Jedi, ils vont rien voir venir. Alors qu'il leur suffisait de mettre des doublures tout autour du lit. Les doublures, en fait, c'est les aigles du Seigneur des Anneaux. Ça résout tout. Tout se résout avec des doublures. Alors par contre, on a vérifié, ils sont censés avoir 4 ans d'écart. Dans l'épisode 1, elle a 14 ans. Oui, elle a 14 ans, et il a 10. Et 10, ouais. Je croyais qu'il avait 8. Non, il a 10 et elle a 14. Ah, okay. Puis le problème, c'est que de caster, comment elle s'appelle Nathalie Portman pour une fille de 14 ans, c'était. Je sais pas quel âge elle a dans le film. Change pas entre les deux films, du coup. T'es ouais, en plus. Oui, bah à un moment, t'as d'ailleurs Anakin qui lui dit oh là là, Padmé, tu n'as pas changé. Et toi, en tant que spectateur, tu fais bah non. Sacré poussée de pas de croissance, par contre, pour Anakin. Tu sais, il a bien mangé ses épinards, comme Obi-Wan lui disait. Et c'est pour ça qu'il est pas content. Et... Oh, mais il est pas gentil avec moi, j'ai mangé toute ma soupe, là. Il m'empêche de grandir, j'ai pas le droit de manger des bonbons. Ah, c'est pour ça que je fais voler des poires. J'ai besoin de mon apport en sucre. J'ai fait une bêtise, mais t'es pas là pour me gronder. Avec sa poire. Voilà. Bon, on s'égare. Je me souviens plus de ce qui se passe ensuite. Il y a une course. Oui, il y a la course poursuite qui la est la langue du monde. Qui est beaucoup trop longue. Trop longue. On n'a pas dit pourquoi il y avait une course poursuite. C'est parce qu'il y a des mecs qui essayent d'assassiner pour la deuxième fois avec des verres dégueulasses. Qui essayent d'assassiner Amidala avec des verres dégueulasses. Qui sont mal faits d'ailleurs. Enfin, maintenant ils sont mal faits. Mais toujours aussi dégueu. Ouais. Ah, oui. Donc ils se lancent à la poursuite de la chasseuse de primes. Oui. Ouais, Zam. On admire le gars qui arrive, qui dit. Je sens tout ce qui se passe dans la pièce. Il y a un trou qui est fait dans la vitre. Il y a deux gros verres qui tombent par terre, qui rampent sur le lit. Et le mec, il s'en rend compte que quand le truc est prêt à lui foutre ses pattes dans l'œil à la meuf. Surtout qu'ils s'en rendent compte tous les deux en même temps. Donc c'est Anakin, ça. Il fait genre oh, moi je suis trop balèze, mais en fait, pas du tout. Ah, puis les mecs, ils ont laissé R2 aussi dans la chambre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils ont laissé R2 genre en mode surveillance, mais ils scannent juste le lit. Ils scannent pas genre la fenêtre à 1m50 où t'as un énorme robot qui vient de percer un trou dans la vitre. Il a pas de micro, il est sourd. Il est sourd, R2. Elle était mise en mode veille pour qu'elle puisse dormir tranquillement et qu'il fasse pas ses blip-blip incessants et extrêmement agaçants. C'est ça. Elle l'a mis sur snooze et elle allait se coucher, quoi. Il était sans vibreur, elle l'a mis sur silencieux, il devenait relou. Donc oui, il y a la course-poursuite. Bah, allez, il y a quelques décors qui sont jolis, qui sont très mal incrustés, mais qui sont jolis. Il y a le petit TIE Fighter et les trois... Non, oui, alors ça, c'est de l'easter egg. Oui. Alors en vrai, cette course poursuite, je l'aime bien. Elle est colorée, elle est beau truc. Alors le son, ça va revenir pour tout le film, hein, mais le son est fou. Mm. Tout le long du film, le sound design, il est ma boule. C'est ça, c'est un truc qu'on peut pas l'enlever au film. C'est dingue. C'était déjà le cas du premier, mais là, il y a encore une autre étape qui est franchie. Le son est fou. Visuellement, il y a des trucs sympas, mais c'est surtout trop long en fait. C'est un peu mou et trop long. Ouais. Et puis, même si c'était pas l'époque du 3D, il y a un peu, je trouve qu'elle a un peu ce syndrome Space Mountain, on fait des trucs qui sont cool visuellement, mais qui, voilà, ça s'éternise et c'est pour te montrer, regarde, on peut faire des super effets caméra. Oui, mais attention, c'est le Space Mountain pour les enfants, donc il va pas vite. Et en fait, ça bouge pas tant que ça au final. Ah oui, moi j'ai noté un truc sur Coruscant. Il n'y a pas du tout de truc de signalisation, il n'y a pas de délimitation des routes, mais tout le monde est super bien aligné, toujours sur sa voie. Il n'y a pas un mec qui se dit « Oh, la flemme, je passe en double fil ou je fais demi-tour en plein milieu. » Non, non, ils volent super net. C'est genre « Non, le code de la route, c'est fait pour être respecté. Hein. » Bon. Mais il n'y a pas d'Audi dans Star Wars, c'est pour ça. Bah, y a l'équivalent, techniquement, quand il prend le vaisseau jaune... Ouais, celui-là, il brille bien. C'est parfait pour une courte poursuite discrète. Oui, il faut une voiture de sport. Je suis un vrai monsieur. Donc voilà. Alors, en plus, pendant la courte poursuite, on apprend que le chasseur est un personnage qui apparemment peut changer. Hein. Il s'appelle une changeante. Et ça ne sert à rien. on va le dire autrement, un métamorphe. Voilà, c'est ça. Tout le monde voit. Et quand ils sont dans le bar, au lieu de changer d'aspect et de partir, elle garde son aspect et elle va directement sur eux. C'est... ok. Meilleur assassin du monde. Hein. Elle a tué personne, mais elle s'est fait tuer. C'est fort. Mm-hmm. Mais si, elle a tué celle du début. Ah oui, elle a tué. En même temps, c'est une sous-traitante. C'est pour rien aussi que... Ah ouais, trouver un artisan de nos jours. Hein. Ouais. Mais sinon le bar est très cool. Le bar est super cool. Oui, avec toutes les femmes à moitié à poil. Mais les niveaux tenues. Oui, non, mais les couleurs. Moi, je trouve que les couleurs sont vachement cool. Et j'aime beaucoup le petit moment sassy d'Obi-Wan qui fait je vais boire un verre. Il démerde tout, j'en bats les couilles. Tu m'as saoulé que ta poursuite. Moi, je vais boire un verre. Quelque part, là, c'est un. Tu m'as gavé, vas-y, fais ton enquête. Moi, je veux boire un coup, tu le mettras dans ton rapport de stage. Quoi. et les petits caméos aussi d'Ahmed Best qui reluque Anakin. Donc, Ahmed Best qui est l'interprète de Jar Jar, qui n'est pas dans son costume de Jar Jar, du coup, qui est juste lui. Et il y a Anakin qui passe devant et genre, il le reluque. Et à côté, t'as. Joli petit cul. En fait, comme tout le monde, en fait. Hein. C'est ça. À côté du vendeur de bâtons de la mort, t'as Anthony Daniels qui joue ses 3PO, qui est lui non plus pas dans son costume. Ils sont habillés, mais ils sont pas dans leur costume habituel. Mais alors pourquoi ils l'ont mis dans son costume après ? Il était déjà dans le film, pourquoi ils l'ont remis dans son costume après ? On n'avait pas besoin de ce 3PO, c'était réglé. Mais comme ça, pas besoin de la scène à la fonderie, mais Voilà. Mais juste revenir sur Oedipe, parce que dans cette scène du bar, il lui dit pour moi, vous comptez autant qu'un père. Et bizarrement, quelques épisodes après, il tue Obi-Wan. Oh. Ouais. Il est en colère contre lui tout le temps, donc ouais. Ouais. Voilà. Et puis c'est les bâtons de la mort, c'est un œil un peu forcé de Papy Lucas. Ah bah il est subtil, hein, Lucas. Oh bah c'est clair. Voilà, il la batte. Obi-Wan, comme à son habitude, d'ailleurs, faudrait peut-être qu'il aille dans un centre pour soigner ça, cette addiction de couper les bras des gens dans les bars. Lui, il sait faire que ça. Hein. Il a eu 0 partout, mais par contre, il a eu 40 sur 20 à l'épreuve de coupage de bras dans les bars. Même coupage de gens en général, si tu comptes Dark Maul aussi. Oui, c'est ça. Il aime bien couper les trucs. Trancher, il aime bien. C'est ça qui lui a donné le goût du découpage de membres. Pourquoi vous êtes devenu Jedi? Moi, j'adore couper des trucs. Il aurait dû faire boucher charcutier. Je voulais faire cuisinier, mais c'était trop contraignant. Avec un sabre laser, c'est mieux, quoi. Ça va plus vite. Et pourtant, la cuisson de l'Anakin, il l'a réussi. Hein. Oh. Ouais, bravo. Mais ce bravo. Qu'on ne sait pas, c'est que dans la trilogie originelle, après, il participe à Top Chef. Nice. C'est vrai. Je sais plus où on en est. Et ils sortent et. Oui, il y a les bâtons de la mort, évidemment. Ah oui, non, il se fait tirer dessus. Pardon. Ouais. Voilà. Avec toujours un timing de fou. Hein. Il aurait pu la tuer avant. Non, c'est juste. Quand elle va dire le nom de qui l'a engagé, parce qu'avant ça, il y a un interrogateur musclé. Il lui demande au moins trois fois. Oui. Il lui pose au moins trois fois la question avant. Tu vas le dire, hein, tu vas parler. D'accord. Alors, qui est-ce qui t'a engagé? Et puis là, tu vois le regard de loin qui fait « Oh merde, il va encore péter un câble. » Il le regarde et fait « Non. » « Oh non, Anakin, s'il te plaît. » T'as fait tes exercices de respiration. Ouais. Alors, en français, on a eu « Qui t'a enrôlé ?» Et je sais pas ce qui est passé par la tête du mec qui a fait l'adaptation, mais pourquoi pas. Qui t'a enrôlé? Moi, tu sais, c'est comme Kylo Ren qui, au lieu de crier traître dans la forêt, il fait renégat. Ah, oh, moi non plus, je savais pas. Mais félon, ça aurait été mieux encore. Félon. Ville félon. Ça, t'imagines Kylo Ren au milieu de la forêt, malandrin. Bataille de lecteur du Figaro. Et là, donc pendant l'interrogatoire, tu sais, t'as Jango Fett qui fait « Bon, je vais peut-être voir, peut-être que je peux la sauver. » Ouais, non, elle va dire mon nom, là, c'est sûr. Hein. Je lis sur demande, les lèvres. Hein. Moi, je suis sûr qu'il attendait ça. Ça va être bien classe, bougez pas. Et après, je m'envole. C'est comme dans les 2 minutes du peuple, aucune mise en scène visible. Le mec, en tout cas, il fait bien confiance à ses employés. « Oh non, non, elle va encore merder. Oh putain, j'ai mis où ma sarbacane ?» Alors ça va être comme la dernière fois où elle a attendu que le truc soit déjà atterri pour le faire exploser. Putain, elle est vraiment nulle. En fait, ce film, c'est des gens qui surveillent des gens, qui surveillent des gens. Ouais. Et donc, ils trouvent une fléchette bizarre. Oui, une petite fléchette qui pique. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Matt. Et là débute la séquence Columbo du film. Voilà, et là, c'est le début. T'as deux intrigues, t'as une intrigue du côté de Obi-Wan qui devient une espèce de film noir. En tout cas, c'était l'intention de George Lucas. Obi-Wan mène l'enquête. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te dis, c'est un peu nul. Et puis après, en fait, de l'autre côté, c'est pire. C'est Anakin et Padmé qui vont dans leur Airbnb. qui partent en week-end. qui font rien, quoi. C'est-à-dire... Tu enlèves toute leur scène du truc, ça n'avance rien en fait. Mais c'est même moins cringe. Bah, oui. C'est du développement de personnage, mais pas bien fait en fait. Tu disais, il se cache, c'était réglé. Hein. Tu pouvais te concentrer sur Obi-Wan, tu gagnais une demi-heure, c'était pas dégueulasse quoi. Mais non. Plus d'Obi-Wan. Allez. Donc on commence par laquelle intrigue? Il y a une seule intrigue en fait. Je pense qu'on va parler vite fait de celle d'Obi-Wan d'abord et puis après on va. On a dit le positif d'abord donc. Ok, ouais. Alors pour moi, perso, c'est à partir de ce moment-là, en dehors des scènes d'Anakin, que le film commence à être légèrement mieux. Quand il commence son enquête. En fait, il se passe des trucs et du coup, c'est direct, c'est mieux. Ouais, mais le problème, c'est que pour apprécier les moments où Obi-Wan il cherche dans les armoires et les étagères, tout ça, enfin, t'es obligé de te farcir l'autre qui est en train de manger des poires et de rouler dans l'herbe. Donc, c'est un petit peu compliqué de s'éclater quand même. Entre deux dictatures fascistes. T'es là, oh, c'est bien. Ah non. Ah ouais, cool. Non, ça me fait chier. Enfin, rendez-nous au vivant. Et ça dure quand même 20 minutes, je crois. Hein. C'est long. Non, beaucoup plus. Plus une demi-heure. Non, pas une heure. 2h20, en fait, c'est tout le film. Mais c'est comme ce que tu disais, Matt, en fait. C'est que bah, le problème, c'est que Ewan McGregor, il arrive quand même à plus ou moins bien jouer. Mais en fait, je crois que c'est... Oui, c'est un exploit. Hein. Je crois qu'on a déjà parlé pour l'épisode 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction d'acteur avec Lucas. Et si t'as beau être bon acteur, si on te dirige pas, des fois t'y arrives pas. Il y en a qui arrive. Ouais, ouais, moi j'ai vu. Pardon. Oui, non, mais elle est là, mais ça sert à rien, sa direction d'acteur. Hein. Ou alors, elle va dans le mauvais sens. Mais... C'est pire, oui. Des fois, tu vois des scènes du making-of, et puis t'as Hayden Christensen qui est en train de bien jouer, et t'as Jean Lucas qui dit oui, alors c'était peut-être un peu trop bien, s'il te plaît. Tu pourrais le faire en plus mou, s'il te plaît. Genre, t'as le gars qui est sobre, qui joue bien, et puis l'autre qui fait alors tu pourrais le refaire, mais avec un mouvement de tête vachement théâtral, tu vois, genre, ce serait trop bien. Vraiment? J'aime bien. C'est dans le making-of, ça? Oui. Tu le vois diriger Hayden, et tu fais mais non, c'était bien. Fous-lui la paix. Ah non, l'acteur connaissait mieux son métier. Non, mais de toute façon, la meilleure chose qui a pu arriver à la saga Star Wars, c'est le fait que George Lucas la vende. Je crois qu'on a commencé par cette phrase dans le premier épisode. Je crois qu'on a dû dire un truc de ce genre-là dès le premier épisode, hein, pour mettre tout le monde d'accord. Je crois qu'on a perdu la moitié de l'auditorat possible, mais c'est pas grave, au moins on a mis les choses d'aplomb dès le début. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc on avait dit Obi-Wan. Il part dans son enquête, Obi-Wan, ouais, et puis donc il va dans le diner de son vieux pote qu'on n'a jamais vu. Ça aurait été bien qu'on le voit avant, mais qui a pas vraiment de notion d'hygiène pour un cuistot. Il se gratte littéralement le cul avant de tapoter l'épaule d'Obi-Wan. mais il est génial, ce perso. Il a une pure moustache qui est plutôt stylé. Ah, ouais. Il a des espèces de petites dreads aussi, ou des espèces de petites tresses dans les cheveux, entre deux morceaux de carapace, je ne sais pas trop. Ouais. À chaque fois, je me dis, mais il a des cheveux ? Et puis après, je fais, mais il a une moustache ! Réalise chaque nouvelle étape. Un alien avec une moustache. Ouais. Alors, ce passage-là, il est cool parce que il étoffe un peu l'univers, on a un alien super cool, machin. Enfin, il est chouette à regarder ce passage-là, on a un droïde serveuse, pareil, c'est très stylé. Oui, mais à côté de ça, ça fait vraiment cliché du diner, de la serveuse, du tenancier dégueulasse et du flic qui va voir ses indics pour avoir des infos, quoi. Oui, tout est là. C'est une piscine de clichés, mais c'est cool, mais c'est des clichés. Il y a juste un truc dans cet endroit. Je le dis à tout le monde à chaque fois, c'est Obi-Wan commande un jus de Jawa. Les Jawa, oui, c'est ceux qui vendent les droïdes à Luke et son oncle. Hein. Alors c'est peut-être par les Jawa. C'est ça. Est-ce que c'est un jus fait par les Jawa ? Est-ce que comment c'est il est fait ? Extrait de Jawa ? Est-ce que c'est des Jawa broyés en jus ? Oui, mais ouais, mais est-ce que c'est eux qui les exportent ou des trucs comme ça ? Moi, j'opte pour la transpiration, perso. C'est la transpiration des Jawa. La transpiration sur Tatooine, tu la gâches pas, donc je pense pas. Est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble un Jawa sous sa capuche ? Mais est-ce que c'est du nectar de Jawa ? Est-ce que c'est 100% pur jus ? Enfin, je crois qu'on va arrêter cette discussion immédiatement. C'est de toute façon dégoûtant. Est-ce que c'est bio ? J'espère que c'est au moins du circuit équitable. Hein. Après, on peut se faire une opinion. Mais... Tout le monde n'est pas un Ewok. Hein. Par contre, je me demande si on n'en arrive pas à un des gros problèmes en fait de ce film-là, c'est que il est formidable pour développer l'univers, il rajoute des éléments cool extérieurs, il y a des jolis décors, il y a des trucs qu'on aimerait bien voir développer, mais par contre, l'intrigue, c'est quand même oui, mène l'enquête et essaye de trouver qui c'est qui a tiré la flèche, quoi. Je veux dire, bienvenue dans la prélogie, hein, j'ai envie de dire. Regarde là-bas, c'est bien. Regarde les deux là qui sont en train de dire de la merde et de rouler dans l'herbe. Ça, c'est mieux. Hein. Obi-Wan qui se fait humilier devant les élèves par Yoda. Allez les enfants, allez. C'est ça. Allez les enfants, expliquez à Obi-Wan. Et avant ça, il se fait bolosser par la bibliothécaire quand même. Et la bibliothécaire qui en plus est l'ex-copine de Dooku. Ouais. Ah bon ? Ça c'est un truc récent, oui. des comics. C'est canon, la série, ça. C'est devenu canon. Ouais. Age of Republic. Ah ouais. Ah, c'est pour ça, elle le planque en fait, elle c'est le cache. Ça. Si c'est pas dedans, c'est que ça existe pas. Hein. C'est certainement pas moi qui ai aidé mon copain à faire cette. Non, parce qu'elle, le sait, Obi-Wan. Hein. Il va dire, dame, s'il vous plaît. Non, t'as jeté ta gueule. Ah, c'est comme ça. Tu rentres chez toi. Y a pas de planète, ferme ta gueule, tu dégages. Et donc c'est ça. Quand il arrive, elle se fout de sa gueule, genre. Bon alors, t'as besoin d'aide, Obi-Wan ? Tu trouves pas ce que tu cherches ? Tu veux que je t'explique comment ça marche, l'ordinateur du CDI ? En fait, dans l'épisode 3, il est au conseil, mais en fait, les mecs, c'est leur bouffon, tu sais. Tout le monde est en train de le bolosser tout le temps. Eh, y a une mission à la con, là ! Si on envoyait Obi-Wan ! Non, mais il crache sur ses bottes et tout, c'est infernal pour lui. À la fin de l'épisode 1, les mecs, ils sont là, ils font « Oh là là, mais c'est quoi ce gamin-là ? Qui est-ce qui va le récupérer ?» Puis là, il y en a un qui fait... Hey, si on le donnait à Obi-Wan. Oh, c'est trop beau. On fait ça. Et le mec qui a dit ça, c'était Qui-Gon. C'est Qui-Gon qui a commencé. Qui-Gon, en fait, il c'est lui qui a prévu sa mort. Il a fait, il faut que je le fasse, sinon il va pas y croire. Le mec qui s'est fait victimiser pendant 30 ans comme ça. Bon, là, on a quand même résumé le truc, faudrait parler de ce qui se passe quand même. Pourquoi il se fait bolosser par tout le monde. Voilà, parce que Dexter lui dit que ça vient d'un endroit, il cherche l'endroit et il trouve pas. Et en fait, il trouve pas sa planète. Il y a rien. Ouais. C'est bizarre, il y a tout qui converge à un point, mais c'est vide. Oui, mais la bibliothécaire, elle a dit que non. Oui. D'ailleurs, j'adore la philosophie de la bibliothécaire parce que tu peux plus faire de nouvelles découvertes. Parce que si c'était pas déjà dans les archives, non, je suis désolé, on ne peut pas accepter c'est ça. C'est que ça existe pas. Mais ça, c'est vraiment une script dogmatique Jedi de l'époque, hein. C'est non, mais oui. si ça existe pas, si on l'a pas déjà vu, nous, ça existe pas ton truc. Y a pas moyen, on est trop fort, quoi. Oui, ça montre bien à quel point ils sont bornés et aveugles. Et de droite. Ben justement, c'est un truc dont il parle. Je sais plus exactement. C'est juste avant qu'ils partent, il y a une discussion entre Mace Windu, Obi-Wan et Yoda, et il parle du fait que Anakin est vachement arrogant et qu'il se sent plus pété. Et Yoda dit ouais, mais finalement, c'est peut-être pas que lui. On est tous un peu. Il dit que c'est un défaut répandu chez les Jedi. Non, mais on est peut-être tous un peu des connards au fond, mais. Yoda, on pue pas la merde un peu quand même. Je veux dire, c'est nous qui l'avons formé. Donc peut-être que, à un moment donné... Si c'est un truc qui tosse, c'est un peu notre faute, quoi. C'est un fil rouge dans le truc. Voilà, toutes les décisions pourries qu'ils prennent, c'est parce que, ils sont devenus tous arrogants. Bah, de toute façon, pour moi, l'épisode 2, la morale du truc, c'est que si tu laisses croire à un mec blanc qu'il est exceptionnel, bah, ça devient automatiquement un connard, en fait. C'est tellement trop bien. C'est bien triste, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, parce que dans tout le truc, c'est. Enfin, dans tout le film, dans tout le premier déjà, c'est oh là là, mais Anakin, c'est un être exceptionnel, etc. Alors que le gamin, il est ouais, je m'amuse et tout, je fais des droïdes, je fais des petites courses et tout, tranquillou. Puis à partir du moment où tu lui dis qu'il est exceptionnel, que Obi-Wan, il utilise la force et tout avec les dés pour le racheter, etc., ça devient un connard arrogant, quoi, et qui du coup massacre tout le monde dès qu'il a un pet de travers. Du coup, pour moi, ce film, c'est. On te montre que bah, si tu fais croire à un mec qu'il est exceptionnel, ça devient un connard. Non, complètement. Ah, mais en fait, l'Ordre Jedi, c'est une école de commerce. Devinez sa filière. Du coup, à chaque fois, je me perds. Hein, je sais même plus où on en est. On en est à Obi-Wan qui part. Les enfants qui bolossent Obi-Wan. Voilà. Ouais, tout le monde qui bolosse Obi-Wan. Et il part sur Kamino. Parce qu'il lui dit, bah, t'es con, t'as les coordonnées, va voir où c'est. Oui, Yoda, lui fait, a priori, c'est là. Pourquoi t'y vas pas? Alors, donc... Tu as les coordonnées, mais t'as peur d'y aller parce qu'on t'a dit que c'était pas les bonnes coordonnées, mais tu sais que c'est le bon endroit. Ça se trouve, il est pas allé parce qu'il aime pas piloter. Ouais. Il fait, ouais, mais je vais y aller, je vais encore me faire bolosser. Pourquoi moi? Et d'ailleurs, il y va et il se fait bolosser par Jango Fett. Et son gosse. Et son fils. J'en étais même les enfants. Et par les... Et en plus, il pleut. ceux qui vivent là aussi, qui l'accueillent, genre « Ah ben, on t'attendait ?» Ouais, non. Genre « Oh, désolé !»« Attends, vous m'attendiez ?» Oui. Et puis, tu sais, ils leur posent des questions, genre « Comment ça quelle commande, quel truc ?»« Bah, en fait, ton armée, connard ?»« Ah ouais, j'ai hâte de voir. » Il y en a déjà 200 000 de près, là. Et ils le prennent tellement pour un con qu'à la fin, ils lui font « Si tu en veux plus, il faudra plus de temps. » C'est ça, ils le prennent tous pour un début. C'est comme ça qu'on marche. Voilà, donc on voit les clones en CGI. Moi, ce que j'aime bien avec Camino, c'est qu'on va pas passer 2 heures sur la couleur des tentures et tout, c'est blanc partout. Ouais. Ça, c'est vrai. Avec la pluie, ça doit être salissant et tout. Je sais pas comment ils font. Ils ont des intérieurs blancs nickel. Ils tombent 20 litres de flotte toutes les deux. Et les mecs, et pas de soucis, c'est lisse, c'est nickel. Ouais, franchement. Ouais. Là, il y a Obi-Wan et Django qui se battent et tout. Et il se fait tirer dessus avec une roquette et tout. Et puis à un moment, il tombe et donc il revient, il re-rentre à l'intérieur. On me disait, c'est impossible qu'il ait pas passé devant un des habitants. Et le mec, il fait, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de tout dégueulasser! Et lui, il est en train de courir, désolé, j'ai pas le temps! Et aussi, le mec, il y a des roquettes qui sont envoyées, le bâtiment est nickel, mais le gars, avec son petit couteau de bras, là, il arrive à percer le truc et à s'agripper avec. Genre, non, les roquettes, ça marche pas, mais un petit couteau, tu vas voir. Ça va fonctionner. Mais on t'a dit, les explosions, c'est pas ça. Attention, j'ai sorti mon la gueule. Les explosions, c'est pas ça. J'ai sorti mon canif. Mon opinel. Mon opinel, faites gueule. C'est ça. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui m'a complètement gavé, en fait, parce que du coup, ouais, il y a... Ouais, t'as Obi-Wan qui se frite et tout sur le parking avec... avec Django, là. Un coup de chaîne de vélo. Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est la baston sur le parking du Auchan avec les chaînes de vélo, quoi. Et en fait, ils sont en train de se tabasser. Et j'étais en mode, mais connard, pourquoi tu utilises pas la force? Le mec, il fait du free fight. Pourquoi tu lui mets pas un coup de... Le gars, alors, il utilise la force pour faire Pour ouvrir la porte, c'est pour faire un nœud, genre. Oh, c'est bon, j'ai accroché ma corde. Non, mais excuse-moi, il utilise la force pour ouvrir une porte automatique. Moi, c'est ce que je fais quand j'arrive à Carrefour. Et après, on s'étonne que le mec, il se fasse bolosser partout. Aussi bien, depuis le début, on se fait entuber. Anakin, Obi-Wan, il a aucun pouvoir. Anakin avait raison, ouais. C'est que du mytho, en fait. Il est plus fort que Windu. Il est aussi fort que Maître Windu. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il est aussi sage que Maître Yoda et aussi puissant que Maître Windu. Et là, il y a pas mec qui fait... Je croyais qu'il avait pas de pouvoir. Oui, je sais. C'est ça, le problème. Et puis aussi, il y a quand même un moment qui m'avait fait marrer. C'était le mot... Donc, juste ce qui amène à la baston, c'est que... Obi-Wan rencontre le Jango Fett qui est le modèle original pour l'armée de clones et Obi-Wan il essaye de l'interroger, genre de lui tirer les verres du nez. Hey, vous êtes allé à Coruscant? Non, je suis pas allé. Ah ouais? Et ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Ouais. Mais j'étais à l'œil, mon gars. On se retrouve sur le parking. Prépare ta chaîne de vélo. Avec l'autre super discret. Non, va fermer la porte parce qu'on voit qu'il y a mon costume qu'il a vu sur Coruscant. Mon cosplay là de la convention là. Oh non, il va voir mon cosplay de Boba Fett. Moi j'aime bien aussi le ministre de Camino qui est un petit peu salé, genre oui, en plus de son sa paix très très élevée. Il a exigé un clone. Genre, le mec, on le paye cher, hein. Vous pouvez pas le reprendre, genre. Bah, écoutez, je vais envoyer Maître Windu, il va régler le problème. En lui coupant la tête. Tiens, ça paye. Par contre, ce qui est intéressant avec le recul dans cette phrase, c'est que, il lui dit, bah, le mec, il a réclamé un clone. Pas modifié, rien, normal. C'est chelou, quand même. Enfin, les mecs, ça leur vient pas à l'idée. Qu'ils puissent le considérer comme un enfant, éventuellement. C'est pour les clones, c'est les clones, voilà, bon. Mais tu veux des baguettes de pain ou des clones, c'est pareil pour eux, mais non, le mec, il voulait un clone pas modifié, rien, même pas amélioré, juste de la merde. Mais, okay, je crois que c'est parce que la race d'aliens de Camino, eux, ils se reproduisent pas naturellement, ils font que des clones, en fait. Donc, pour eux, il n'y a pas de différence. Mmh. Je crois que c'est ça, c'est vraiment la philosophie de l'espèce, ouais, clairement. Ouais. Mmh. Mais c'est ça qui est intéressant, au travers de cette phrase, bon, on peut distinguer ça, après. Mais ce qui est, justement, quand elle arrive dans leur appartement, elle fait, Boba, est-ce qu'il y a ton père? Oui, oui, elle lui demande. Ouais. Est-ce que ton papa est là? La grande question, mais c'est mon clone, t'es débile ou quoi? Mais c'est ça, la question. Est-ce que Boba sait qu'il est un clone de son père, entre guillemets? Ou est-ce que le gosse, il est jamais sorti de sa chambre et il sait pas, en fait, qu'il y a 15 000 personnes comme lui dans le bâtiment? Non, mais il y a assez de gens qui ont des problèmes psychologiques dans cette saga. Les gens lui demandent, ton père, il est là? Il fait, ouais, peut-être bien. Je sais pas. Lequel? Vous avez une pièce dans votre appartement. Comment tu sais pas où il est? Et en fait, à chaque fois, t'as Django qui fait... Bon, je vais faire des trucs, tiens, joue à la tablette, hein, fais pas chier. Non, mais Django, il a envoyé Boba à la porte pour gagner du temps pendant qu'il est en train de jeter la cam dans les chiottes, c'est juste ça. Ton père, il est là, ouais, peut-être bien, je sais pas, vous avez un mandat. Pendant ce temps-là, il essaie de mettre l'armure au fond des toilettes, ça rentre pas, c'est un cauchemar. Mais... Et donc, c'est ça qui mène ensuite à la baston sur le parking de Camino, comme Ginger disait si bien. Exactement, c'est parce que malgré son interrogatoire très discret et finement amené, Obi-Wan se fait repérer comme une brêle. Et Columbo, même Columbo, c'est mieux écrit que c'est un interrogatoire. Obi-Wan, intéressant, je vais le dire à ma femme, ça va m'intéresser. Et puis Obi-Wan, il a toutes les preuves que le gars, c'est son gars. Je veux dire, il arrive sur une planète où il sait pas à quoi s'attendre, et puis on lui fait « Hey, le gars qui a servi à faire ça, c'est un chasseur de primes ». Attends, je cherche un chasseur de primes, non? Du coup, il va lui poser des questions. Le mec est méga louche. Et le gars, il fait « Ouais, je vais quand même demander à Yoda. Je suis pas sûr. Yoda, il y a un mec louche. Je pense que c'est lui. Bah, va le chercher, les cons. » Et d'ailleurs, c'est la réponse, parce que quand il appelle, il est en mode méditation avec Mace Windu. Enfin, il fume de la Mace Windu qui fait « Mais comment on n'a pas vu une armée d'un million de clones ?» Et Yoda qui dit « Faudrait peut-être qu'on arrête les conneries. » Ça va plus, là. Non, c'est Yoda qui dit « Non, non, tu dis rien à personne. Tout va bien. » On va passer pour des blaireaux. Ferme ta gueule. Non, mais les gens, ils nous aiment déjà pas. Alors, si en plus, tu leur dis qu'on est nuls... T'inquiète, ça passe crème. Quoi, les clones? Ouais, non, là, c'est nous. On a fait ça. Ouais, bah, c'est le maître... Sifo-Dias. Alors, juste comme ça... Quand je nous entends là en train de parler et de rire sur le film, ça fait trop film de mafia tout pourri dégueulasse. Juste comme ça, genre mafia des cités, ouais, mais pas genre une cité qui craint ou soi-disant dans le 93 ou un truc un peu. Non, non, la cité genre la cité de je sais pas Rouen ou un truc comme ça. C'est la mafia des bourgeois, tu sais. Oui, c'est une mafia bourgeoise. Toi, tu reviendras pas. Roubaix story, quoi. Ouais, c'est... Parfait. Oui, voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, il le suit. Et ils arrivent dans un champ d'astéroïdes tout à fait moche. C'est-à-dire que, ouais, les astéroïdes sont pas super bien. C'est un peu cutscene de PlayStation, c'est vrai. C'est des astéroïdes en même temps. Enfin, ça va pas être facile à modéliser, des patates. Sans déconner. C'est vrai que les patates se passaient mieux dans les vieux films. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça, c'est entre pas réussir à modéliser des astéroïdes en papier mâché et faire un truc qui ressemble à une coloscopie ratée, c'est quand même un gros écart, c'est quoi. Ça. Tu découvres là que Boba est un psychopathe. Genre, le gosse, il est à fond. En VF, moins, mais en VO, c'est genre oh, kill him! Fire! C'est le mec, il est vraiment à fond. Oh, il est comme son papa, c'est trop mignon. Il joue un peu comme une patate aussi. Après, c'est un gamin. C'est un serial killer. Ouais, bah après, on peut lui faire les mêmes reproches qu'à Jake Lloyd lors de l'épisode 1, mais voilà. Ah non, il est d'avoir. T'as vraiment l'impression que c'est un petit peu. C'est bien d'avoir George Lucas à la caméra, quoi. C'est le principal reproche. Bah déjà que les enfants, c'est dur à diriger dans un film, alors si en plus c'est mal dirigé, c'est vrai que ça n'aide pas. Ah non, moi je trouve que justement, il joue bien le psychopathe, hein. T'y crois, le mec il est à fond. Moi ça me choque pas, non. Mais en même temps, moi, ce moment-là, j'en pouvais déjà plus à cause des charges soniques, les espèces de mines qui font des machins bleus avec une espèce de bruit marron en fond. Ça, c'est qui cool. Ça m'avait retourné au cinéma, ça me retourne toujours, c'est ouf. Ouais. Ça, oui, pour le coup, c'est un aspect positif. Mais alors, par contre, qu'on vienne jamais me dire que les bombes qui tombent dans l'épisode 8, c'est pas réaliste quant à ça. Hein, je veux dire, t'as une onde de choc sonore, tu sais, qui fait le bruit de THX, mais ça passe, tu vois. Oh non, ils vont lancer un film. C'est l'épisode 2. dans une boucle. Non. C'est vrai que la séquence est plutôt stylée là pour le coup. Ah bah ça marche bien. Enfin, ça casse pas trois pattes, mais ça marche bien. Et puis ouais, puis enfin niveau sonore, c'est fou quoi. Enfin, pour l'époque, c'était malade. C'est mieux rythmé que la première course poursuite aussi. Mmh. Hein. Ouais, mais là, toujours trop long. Elle est plus courte aussi. Ouais. Un peu. Mais ça reste moi, ce que j'aime bien dans cette scène, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est à la fin, t'as Django qui fait ah ça y est, on la se met, et avec Boba ils sont ouais trop bien, on la se met. Et en fait, tu vois l'astéroïde qui tourne. Et tu vois Obi-Wan qui est flocage. Je les ai tous niqués. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Non mais c'est ça. C'est un petit futé quand même. Ça fait une petite référence, je trouve, au Faucon Millenium qui se pose sur, sur le Star Destroyer. Effectivement. Oui, je sais. Parce qu'il y a aussi le truc des pièces détachées qui lâchent. Les déchets. Justement, le Faucon Millenium, il attend qu'eux, ils déversent leurs déchets dans l'espace pour être dedans. Et c'est dit, tu sais, Anne, il se dit, ouais, bon, tout le monde me dit que mon vaisseau, c'est de la merde. Peut-être que si je le mets dans les ordures, ça va passer. Ah putain, ils avaient raison. Obi-Wan qui lâche les déchets. Oh merde, j'ai lâché Anakin. Alors qu'en vrai, c'est lui le déchet, hein, c'est lui le boulet de tout le monde. Et donc pendant ce temps, ils doivent être en train de bouffer leur poire, ça y est. Avec des couverts. Bah c'est la bourgeoisie, hein, c'est... Ah non. On voilà. s'est lavé les mains, on va pas toucher la poire quand même. Alors attendez, là, on a complètement loupé le moment où... On va trop vite, oui. Oui, oui. Ah oui. Où Anakin se plaint que Obi-Wan ne lui laisse rien faire quand ils sont encore sur Coruscant. Ouais, ouais. Et puis il se plaint du sable aussi. Oui, ben ça, évidemment. Moi, ce que j'aime bien, c'est le moment où ils se disent, on va passer pour des réfugiés, on va faire comme des pauvres, on va se mettre dans un cargo. Par contre, elle met une robe et une coiffe qui va coûter le prix d'un vaisseau. Une couronne. Les pauvres, là d'où je viens, ils s'habillent comme ça. Hein. C'est Naboo, hein, c'est pas Techno City. Je suis désolé, je suis pas une pouilleuse, moi. Hein. Ah, donc ça se passe pas à Roubaix. C'est ça. Non, pas Naboo. Ce qui est génial, c'est les plans qui ont été tournés en Italie, où il y a des petits ponts au-dessus de canaux avec des marches. Et t'as R2 qui reste derrière, qui peut pas aller plus loin. Allez vous faire foutre. Et continue, et t'as R2 qui doit être là, oh putain, encore des marches, j'en peux plus. Je me casse et je retourne au vaisseau. C'est ça, c'est les vacances à Venise de R2, quoi. Oui, bah oui, avec leur merveilleuse blague de... Ouh là là, on est en danger. Mais heureusement qu'il y a R2. Mais attends, mais c'est vrai en plus. Alors que c'est R2 qui leur sauve la mouille à chaque fois. Non, mais c'est trop drôle parce que il arrive pas à passer là les escaliers et on le voit plus du tout sur Naboo après. Alors, à mon avis, il y a un troisième arc qu'on ne voit pas dans le film qui a été coupé au montage où t'as R2 qui kiffe sa vie. Où tu le vois dériver. C'est pour ça, en fait, il allait se faire tuner sur Naboo. Et quand il arrive dans l'usine des droïdes, il a ses petits réacteurs, là, son petit jetpack. Oh, vous avez cru quoi que j'allais me laisser bolosser par des escaliers? il pousse ses 3 PO dans le vide, il fait ah, t'as pas ça, toi, hein. En fait, il y a un arc trop dark qui se déroule pendant les fêtes. Il finit à la rue sur Naboo, il se bat avec des gangs, il vend des bâtons de la mort, après il se fait équiper ses roquettes, il a des tatouages sous la carrosserie. C'est un ouf en fait. Mais tout ça, on l'a plus dans le film. Ouais, il s'est dit, ouais, ça reste quand même un film pour enfants. Je suis peut-être allé un peu loin. Donc le sable. Okay. Le sable, ah oui, la scène du sable. Le sable, oui. Il fait, alors, oh non, j'aime pas le sable, là, il y en a partout, et il va caresser le dos de Padmé de manière super cringe. En lui mettant les boobs. Alors, parce que sinon, c'est pas assez cringe. Mais après, sinon, tu sais pas que si t'es vraiment un vrai garçon ou pas, si tu regardes pas les nénés toutes les deux secondes. Non, c'est pas ça. T'as la meuf qui se dit... Ah, il fait beau, je vais mettre un petit dos nu pour profiter de la petite brise de l'été. Et t'as le mec qui est... Le sable, c'est pas cool, je te touche. Elle est en train de me caresser le dos. Parce que justement, moi, cette fameuse réplique du sable, j'avais pas capté la première fois que je l'avais vue il y a 10 ans. Et justement, c'est pas la réplique du sable en elle-même. Elle est pas si terrible. C'est ce qui vient après, quand il parle des trucs qui sont doux et qui commencent à la palper et tout. La réplique du sable, à la limite, elle passe. C'est ce qui vient juste après, qui est vraiment dérangeant et cringy. Tu sais ce qui est doux ? Voilà, c'est quand, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment gênant. Anakin, ça me gêne. Oui, ben c'est pour ça que je vais continuer. Là, c'est que, on en a parlé, on n'en a pas parlé de ça quand elle est en train de mettre ses affaires et puis. Ah oui. Et puis qui fait, me regarde pas comme ça, s'il te plaît. C'est gênant. Ça me met mal à l'aise. Non, ok, bah je vais continuer. Et le gars, il fait un regard caméra, il fait. Avec un vieux sourire, les vieux sourcils, genre. Mais d'ailleurs, si tu zoomes. Si tu... Ça veut dire qu'elle veut que je continue, en fait. Le mec qui a rien compris, quoi. Et donc, justement, le truc fou avec toute cette lourdeur d'Anakin, c'est que, bah, visiblement, ça marche. Oui, c'est ça, c'est le truc dingue. C'est écrit par Papy Lubric. Bah, ça, c'est la magie du scénario, ça. Mais enfin, à la rigueur, Pete Cassidy dit, ok, bon, je vais tester, voir. Mais, C'est dingue que personne ne lui ait dit. Et vous pouvez pas faire un peu plus subtil, Monsieur Lucas. Alors, en plus, on sait que Carrie Fisher elle a servi de script doctor à ce film-là. Je veux dire. Ah quand bon même. Ouais. Ah bah, je savais pas ça, tiens. Mais je pense que les scènes où Padmé envoie chier Anakin, ça doit être elle qui a fait. Ouais, alors, en fait, elle a lu deux scènes et puis c'est les meilleures. Et puis en plus, après, elle a réécrit tout le subplot d'Obi-Wan pour faire qu'en fait c'était lui le bolos depuis le début. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais quand ils arrivent sur Naboo, ils vont voir la nouvelle reine, ils essayent de dire faut peut-être faire quelque chose. La nouvelle reine, elle fait non, c'est la démocratie, tout va s'arranger tout seul. Et. Donc, elle demande, bah, tu vas faire quoi, du coup, sur Naboo, Padmé? Et Padmé commence à lui expliquer son plan. Et t'as Anakin qui se remet dans son rôle de, attends, c'est moi le chef? C'est comme avec Obi-Wan, là, je vais pas me laisser faire. Elle vient visi, ok? Elle lui fait, en gros, ta gueule, je parle. Elle continue. Et puis fait, ta gueule, c'est moi qui suis chargée de te protéger. Elle fait, ta gueule, tu connais rien ici. Ok? J'ai été reine de cet endroit. Je sais comment m'y protéger. Reste assis, respire un coup, mon garçon. Quoi. T'es pas chez toi, calme-toi. Il fait, ah oui, d'accord. C'est même ça. Pas un employé, c'est un stagiaire. Oui, c'est tellement... Il se fait tellement bolosser, genre, ah, mais vous avez un chevalier Jedi pour vous protéger, c'est cool. Ah non, il n'est pas encore chevalier, lui. C'est un Padawan. Mais là, encore... Lui, il fait semblant. Moi, je reviens à ce que disait Ginger, c'est complètement ce que tu disais sur le fait, voilà, de... faire penser à un mec qu'il est exceptionnel. C'est cohérent. C'est naze, mais c'est cohérent. Voilà, je dis pas que des conneries. Hein. Ah, mais non. Mais c'est, finalement, c'est gênant à regarder, mais le film est cohérent tout au long du truc. Il se comporte complètement comme ça. Il est gênant voilà. Tout le long. c'est ça. Il est tellement cohérent que du début à la fin, t'arrives pas à rester confortablement assis. T'es toujours en train de grincer des dents. Hein. C'est à tel point où tu te demandes si c'est pas la volonté du truc. Alors, ça se trouve, du coup, justement, Carrie Fisher, elle a fait que le mec soit complètement gênant d'un bout à l'autre. Et chez Lucas, c'est passé crème. Ouais. C'est ce que je me demandais un peu, ouais. Je sais pas, parce que d'un côté, en fait, la prélogie, elle est censée notamment être là pour montrer comment un gamin qui avait l'air super exceptionnel et super cool, et ben en fait, il se comporte comme un connard et ça devient un tyran. Et moi, j'ai juste l'impression que le 2, c'est un film qui t'explique d'un côté que c'est un mec qu'on lui a fait croire pendant des années qu'il était exceptionnel et du coup ça devient un connard, mais d'un autre côté t'as une volonté de l'humaniser avec le fait que, on en parlera après, mais genre que sa mère elle meurt dans ses bras et puis il est triste et qu'en fait j'ai l'impression qu'on essaie d'avoir de nous faire ressentir de l'empathie pour lui alors que d'un autre côté on nous montre que c'est un connard du début à la fin, donc j'arrive pas à comprendre le personnage en fait. Ouais, et puis en plus on essaie de te faire avoir de l'empathie en te disant ouais mais regarde c'est un connard parce qu'en fait eh ben il le laisse pas être maître, ça veut dire qu'ils lui font t'es l'élu mais on n'a pas confiance en toi, t'es pas encore prêt. C'est pas gentil. Ouais, c'est pas gentil, surtout que lui il le dit hein. Moi je suis prêt hein. C'est Obi-Wan qui dit que je suis pas prêt et il m'empêche de grandir. Ça pour le coup. Je suis pas encore clairement convaincu parce que personnellement ça marche pas, je le plains pas, l'Anakin a plus l'air d'un enfant gâté qu'autre chose. Oui, mais je pense qu'on est censé avoir de l'empathie. Mais... Non, mais il veut un speeder, c'est tout. Moi je veux une voiture qui va vite. une Audi de l'espace. Après tout, je suis en école de commerce. Donc voilà. Ensuite, ils vont faire un pique-nique. Oui. Ah. Et puis oui. Là, il lui fait putain. Au fait. Je suis un peu fasciste en plus. Quoi? Pardon? Non, mais je rigole. Tu sais ce que disent tous les gens quand ils se rendent compte qu'ils ont dit une grosse connerie. Je suis pas fasciste, mais avant, bon, tu me rassures. Alors j'ai failli croire. Hein. Ouais. Bah, là, ça ressemble aussi à toute un truc qui était une bonne idée au départ et qui est un peu loupé parce que visiblement, toute l'obsession de George Lucas, c'était notamment la montée du nazisme en Allemagne pour la Deuxième Guerre mondiale. Genre, même, voilà, les Stormtroopers, c'était la traduction du nom de je sais plus quelle armée, voilà. Sturmgruppe. Voilà. Et donc, c'est supposé être une sorte de parallèle, mais c'est pas fait très subtilement. C'est dommage. Est-ce qu'on lui dit que Résistance a fait mieux que lui, ou bien... C'est dommage, voilà, le film lance plein de bonnes idées, mais les traite pas très bien. Par contre, les mauvaises, il y va à fond. Ah oui, voilà. Ouais. mais pour revenir au pique-nique, même quand il essaie de faire des blagues à Anakin, c'est des mauvaises blagues. Il fait genre, il est mort. Qui fait ça? Moi, je le fais tous les jours. Hein. C'est pas genre la blague, je suis mort, ça va. C'est genre, je suis la seule personne qui peut te protéger ici. Mais je suis mort. Tu fais quoi? Parce que je suis tombé d'un connard d'animal dégueulasse, que j'ai super moche. Comme ça, pour faire le con. Drôle. Pour faire le cake. Et je suis mort. Mais je suis pas encore aux gens que t'es mort. C'est pas une blague. C'est pas comique. C'est vrai que j'aimais bien le concept d'avoir. Et si on rajoutait une scène où t'as des cochons, mais attention, ils ont juste un cul qui fait 70 mètres cubes. Et une toute petite tête. Ouais. Et il arrive à être en équilibre dessus, alors que c'est une pente sacrément raide. Je suis toujours là pour défendre la direction artistique, mais là je peux rien pour eux, les mecs. Hein. C'est... Non, mais là, non, c'est vrai que c'est vachement gnangnan ce moment-là. Lucas, il devait être cuit, il a vu le dessin, il a fait ouais, ça je veux. Non, c'est bien. Ça ressemble à des poires, c'est cool. En fait, c'est un super symbolisme. La poire, le fruit défendu, tout ça. Il y a quelqu'un qui fait on lui dit que c'est la pomme ou pas? Je sais pas, moi je sais. Mais il avait Bruno Vandelli dans son équipe ou quoi? Ça se trouve, en fait, c'est super profond comme ça et nous on est juste. On voit pas. Mais c'est pour ça qu'il a tout revendu. De toute façon, ils comprennent pas ce que je fais. C'était une référence. Il a fait son Yoda. Hein. Ouais. Eh ben, Jésus, il marche sur l'eau, et Anakin, il marche sur des cochons. Bon. On reprend le fil. C'est bon, on arrive à la scène au coin du feu. Ouais, mais là, punaise, on en est cette que scène, là. Scène, honnêtement, je l'ai skippé, parce que c'était trop. Franchement, je vais te la mettre, mais en 0,5 en vitesse, pour que tu la sentes rentrer non dans tes pores. Non. Pourquoi tu me fais ça? Ouais, le mec, il commence à faire un truc genre, je te déclame un poème dans lequel je te dis que t'es toxique, que tu m'empêches de vivre, que je fais des cauchemars de toi, parce que tu m'as embrassé. Je sais pas du tout parce que je te caressais l'épaule alors que t'avais un dos nu, rien à voir. Le mec, il lui fait, t'es un monstre, dis-moi que tu m'aimes. Ah, mais au final, c'est un truc de famille. T'as l'autre, il avait. Eh, toi, t'es de la merde, t'es rien. Son petit fils. Tu veux sortir avec moi? Les Skywalker, c'est gros dragueur. Tu vois, lui, qu'il a compris. Non, mais on était trop nuls en drague. Moi, je vais rester célibataire. Ah, la seule meuf que j'ai draguée, c'était ma sœur en blouson. C'était un fail. Elle s'est barrée avec mon meilleur pote. Ça a même pas marché, tu vois. En fait, il s'en fout, hein, lui, ah ouais, il aurait pris quand même. Hein. J'avais oublié ça, dis donc. Skywalker Boys. Oh merde. Donc là, on va pouvoir skipper cette partie-là, parce que c'est vrai que c'est un peu trop cringe. Bah non, attends. Bah non, c'est important, parce que faut en parler. Il y a un super jeu de lumière, pareil, hein, subtilité Lucas de la mort. Lui, la lumière, elle est rougeâtre, genre la colère et tout. Subtil, hein. Et elle est dans une lumière blanche, pure. Parce qu'elle meurt, mais pure. Tu vois, c'est... Ah, moi j'aime beaucoup, c'est de la subtilité, un petit peu au pied de biche, comme ça, ça marche. Moi j'aime bien parce qu'ils ont voulu montrer, genre, regarde leur relation, ça la met à bout de souffle, parce que elle... Elle peut pas, ça va pas avec son travail de sénateur. Ils peuvent pas vivre ensemble, c'est une histoire, la Roméo et Juliette. Mais comment non. on peut symboliser ça? Attends, mettez-lui un corset, elle arrivera pas à respirer, ça va être 100% crédible. La meuf, elle est... Oh, oui, mais là, elle lui caresse pas le dos. Non, je meurs. C'est ton amour pour moi qui t'étouffe. Oui, voilà. Mais il fait les progrès, Anakin, il a pas touché le dos. Il a eu trop peur, ça risque d'exploser là, c'est trop serré. Ça se trouve, elle étouffait et à cause du corset et parce qu'en fait elle est allergique à la poire. Mais ça on le sait pas. Et il y a la cheminée ouverte à côté, donc ça se trouve elle se promenait toute la fumée dans la gueule. Oh, c'est vraiment un bâtard, Anakin. Ils avaient oublié de la ramonner, la cheminée. Précise la cheminée. Oui, j'ai dit la cheminée. Voilà, et puis du coup. Bon, bah là, il est plus trop dans le mood de penser à elle. Du coup, il va rêver de sa mère. Il va se coucher. Et là, il rêve de sa maman. Il se ramasse sur les valeurs sûres. Elle, le matin, elle arrive subtile, genre... Oh, il est en train de méditer. Je suis... Alors, j'ai mon petit coiffé décoiffé. Ma petite nuisette, mon petit gilet pour faire genre... Non, je suis... Tu vois, je viens pas juste de sortir du lit. Je t'ai vu à la fenêtre. Je vois, qu'est-ce qu'il fait de con. Elle arrive... Ah non, je voulais pas te déranger. Pourquoi t'es venue? Et ensuite, ah non, tu peux rester. Ouais, t'as fait un cauchemar. Je t'ai entendu chouiner, hein. C'est à quoi ça me fait penser, Anakin? À un petit garçon. Et voilà, la boucle est bouclée. Alors, on a raté, mais il y a eu l'instant téton Anakin aussi. Ça demande du foreshadowing pour l'épisode 8, je pense, personnellement. Bah, déjà, dans l'épisode 3, après, on le voit un peu plus, et puis après, bon, voilà, c'est le festival. Hein. C'est n'importe quoi, cette saga. Du coup, il fait, bon, je sais que depuis le début, je suis genre à fond sur la mission, genre, je veux écouter personne, parce que la mission, c'est le plus important, te protéger et tout ça, mais et si... Je faisais un truc qui a rien à voir et que j'allais chercher ma mère. Sur Tatooine, hein, la planète où il n'y a pas la République parce que c'est les Hutt qui les gouvernent. Tu seras en sécurité, mais... t'inquiète, il y a juste la mafia là-bas. Non mais mec, c'est lui. Ça te dérange pas si on fait un saut pour choper une pizza et puis je prends ma mère au passage, comme ça. Alors pour être tout à fait honnête, c'est elle qui lui propose de venir. Et au départ, elle encore lui dit... Il lui dit non, toi tu vas rester là et c'est tes gardes qui s'occuperont de toi, mais c'est elle qui insiste pour venir. C'est encore pire. C'est pire. C'est genre, bah je sais que je dois te protéger, mais bon, il y a les cochons, il y a l'herbe, tout a l'air d'aller bien, c'est bon, je peux me casser 5 minutes, non? Les protègent. Est-ce que c'est vraiment pire que de l'accompagner sur une planète, justement, comme tu disais, sans la République, avec des chasseurs de primes et tout? Je t'ai laissé les poires au frigo. Mais bon, au final, ils y vont. Finalement, voilà, ils ont pas eu un cas de conscience trop long. Ouais, il arrive, ils voit Watu. Watu, c'est devenu un clochard de l'espace. Hein. Parce que le pauvre, il a tout perdu. Hein. Il a un peu changé de statut social, on va dire. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que là, il est mal rasé. Alors, mais moi, je tout le suite, voilà, c'est pour ça. C'est, je il le kiffe est mal rasé, donc il est pauvre. Parce qu'il perd pas le nord. C'est-à-dire qu'il voit hey, mais t'es un Jedi, Anakin, au fait. Tu veux pas m'aider à régler 2-3 affaires, là? Ça, c'est génial, ça. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit moment, alors je sais pas si c'est la VF qui fait ça, mais un petit moment où tu sens que quand il reconnaît, ah, c'était le. Tu sens qu'il y a un peu de tendresse dans la voix, un truc qui fait que. Et par contre, juste après, il fait ah, mais au fait, tu peux pas m'aider à récupérer de la thune là parce que je suis un peu à sec. En VO, ça passe aussi. C'est le même film. Alors, c'est cool. Mais ouais. Mais oui, tu vois qu'il est trop heureux et puis après, attends, business. Attends, bouge pas. J'ai 2-3 plans. J'adore parce qu'il le reconnaît parce qu'il répare un droïde. C'est genre, ouais, je cherche Mi Skywalker. Ah, t'es un Jedi. Ah. Oh merde, il répare un droïde. Je connais qu'un seul humain qui sait faire ça. Sinon, est-ce qu'on peut en parler du moment où il va voir le mec qui a épousé sa mère? Il a un demi-frère qui est censé être né il y a 10 ans, sauf qu'il en a 25. Non, mais alors, je pense que c'était le fils de la première femme. Ah hein, oui, non, c'est pas le fils de Shmi. Ah, c'est bon, tu me rassures. Non, parce qu'il dit, parce que quand il arrive, t'as Jean-Pierre, là, il lui fait, ah non, tu es donc mon demi-frère. Moi, je dis, mais quoi? Les gens, ils grandissent pas tous de la même manière dans l'univers. Ça dépend de la planète, ça dépend. C'est le sable, hein, ça forge. Alors, juste avant cette scène, il y a une des scènes qui est... Il y avait une petite séquence qui était vachement drôle, qui avait été parodiée. J'avais vu ça sur Twitter, je crois que c'était toi qui avais partagé ça sur Grush. C'était quand ils sortent du vaisseau. Ils se font suivre par R2. Et finalement, il y a Amidala qui dit retourne dans le vaisseau. Et sur l'image que tu avais partagée, il y avait R2 qui disait mais tu pouvais pas me le dire avant, connasse. Parce qu'ils ont déjà, fait 200 mètres. Mais ça c'est un reste de l'arc qu'ils ont coupé avant. C'est-à-dire qu'en fait, quand il descend R2, il est encore défoncé, il est pas clair. Et elle lui dit non mais retourne au vaisseau, va te coucher, t'es pas bien. Ça a du sens. Tu reviendras quand tu seras sobre. Pour l'instant, reste dans le vaisseau. On ne sort pas comme ça devant les gens. T'étais pas bloqué aux escaliers, toi? Ah mais ça, il était là, lui. Mais casse-toi. Et moi, un truc que j'adore, c'est ils arrivent. Il y a le droïde, donc C3PO qui maintenant appartient à la famille. Et il se barre avec. Ouais, c'est vrai, je me suis dit ça, je me suis posé la question. Avec votre robot. Et vous l'avez fini, mon en fait, il a moins. Il court après le vaisseau. ça a coûté super cher de lui foutre un revêtement. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est qu'à chaque fois qu'il croise un droïde de ce type-là, il l'emmène. C'est moi qui l'ai fait, je le prends. Il en a 12 chez lui, au garage. Je vais te montrer ma pièce secrète et c'est juste les murs remplis de trucs comme C3PO, tu sais. J'ai des désirs plus conventionnels. C'est pour ça que tu le vois dans tous les films, à chaque fois il est différent. Il y en a plein, vrai. Il a une jambe grise, un coup il a un bras rouge et tout. Vous m'avez probablement pas reconnu à cause de mon bras rouge, c'est normal, je suis un des 500 de la chambre d'Anakin, tout va bien. Donc ils arrivent là et puis ils disent ah ouais, non, ta mère elle s'est fait capturer, elle cueillait des champignons. Littéralement. Il dit littéralement ça. Et les mecs qui sont venus, ils l'ont chopé. Moi j'ai essayé de courir et puis il y a ma jambe qui est tombée. Enfin bon, c'est un peu la merde. Du coup je me suis dit je vais pas envoyer mon fils quand même. Il est valide, je vais pas lui faire perdre sa jambe aussi. Qui va cueillir les champignons à 6h du mat sinon Mon fils, enfin il vient d'avoir 10 ans. Je sais, il les fait pas. Il est grand pour son âge. Il a bien mangé sa soupe. Puis une petite tirade sur les hommes des sables aussi, hein. Ah, c'est des monstres. Je suis pas raciste. C'est des bêtes. C'est juste des animaux. Je suis pas raciste, mais quand même, les hommes des sables, ils sont pas comme nous. Ils ont pas de cœur, ils pensent pas comme nous, c'est des bêtes. C'est des bêtes. Ouais. Ils bouffent pas des champignons, eux. Eux, ils mangent pas les champignons, ils mangent les gens qui mangent les champignons. Et ensuite, Anakin, il pique le scooter de... Il pique son scooter. Bah, il est en train, Anakin ça, devient Dark Maul. Parce qu'il a la musique et il a la moto. Donc c'est genre super subtil. Il est en noir, le soleil se couche donc c'est rouge, il a une moto, il y a la musique de méchant. Mais en fait, il va juste cueillir des champignons. Alors je rappelle ma théorie, mais c'est que les méchants dans la prélogie, ils sont tous à un moment donné en scooter. Oui. D'ailleurs, la scène où Palpatine il fait de la moto, elle était beaucoup trop awesome pour qu'il la mette. Du coup, ils l'ont coupé au montage. Ouais, non, mais tu voyais Palpatine qui faisait du one wheel au Parlement. C'était bon. Sur le siège, tu sais. Et tu sais, normalement, voilà, il devait le faire dans son combat contre Yoda, mais c'était un peu trop long. Du coup, il a fait. Tu sais, quand il voulait emmener voir Anakin l'opéra avec les bulles, en fait, à la base, il voulait l'emmener dans les trucs où t'es dans une boule métallique. Et tu fais de la moto partout. Non, il est pas prêt pour voir à quel point je suis trop badass. Il n'est pas prêt pour le pouvoir du côté obscur. Je risque d'attirer l'attention. J'avais jamais capté cette histoire de scooter et du coup inconsciemment ça me fait penser à Joule. Oui, bah c'est un senior site. Sort le cross-volley. C'est pour ça que les gens l'appellent l'alien, c'est parce qu'il vient d'une galaxie lointaine, très lointaine. Putain, mais tout est lié, les pièces du puzzle s'assemblent. L'OVNI n'est pas l'alien. Oui, pardon. L'OVNI. Bon, ça veut plus rien dire. Je connais mes classiques. L'OVNI, c'est son scooter. Et donc, il les trouve. Avant ça, juste pour dire, on a dans cette petite séquence de scooter très sympathique, les meilleurs plans, je pense, de film. Il y a des plans magnifiques, la lumière est top, la composition est géniale, les plans comme ça qui sont superbes. Mais qu'à ce moment-là. Avec les fameux Jawa. Il faut regarder pendant environ une 30 secondes, une minute, pas plus, sinon après tu rates. Enfin, c'est fini, hein, mais C'est là que c'est le moment de regarder le film. Ouais, c'est beau. Et là, pour le coup, ouais, c'est la bonne longueur. C'est ni trop long, ni trop court. Tu prends juste le passage de Anakin sur son scooter avec les paysages, tu mets une musique, je sais pas, métal ou emo, ce que tu veux, tu mets du Evanescence comme... Tu mets du Joule. Juste un clip comme ça. Wesh alors. Donc voilà, et puis donc pendant ce temps-là, il y a Obi-Wan qui lui entre dans une termitière et puis il voit Christopher Lee, il fait qu'est-ce que c'est que ce bordel, et puis on revient. Enfin, il y a des mecs bizarres, oh, le clan du Luxembourg va vous donner son argent. Conseil d'administration. Il y a l'autre, des techno-robots, je sais pas quoi, qui commence à parler, qui fait « Non, attends, j'ai une voix trop claire, je vais bidouiller mon truc, comme ça, on va rien piger. » Ah, bah, allez. Il y a le Comte Dooku qui présente sa présentation PowerPoint. Alors voilà mon plan pour la séparatiste. Donc voilà, il y a toute cette séquence-là, où en fait, il voit le plan des méchants, et il fait « je me demande s'il y a un truc qui se trame ici. » C'est vrai que ça se demandait pourquoi il l'envoie à Obi-Wan, en fait, quoi. C'est Obi-Wan qui a super confiance, genre, alors je suis sur une planète inconnue avec des gens qui ont l'air de pactiser avec Dooku, ça veut dire que je suis un contre eux. Je ne sais pas combien de centaines de milliers. Je vais d'abord envoyer un petit visio chat à Yoda et après je prends la poudre d'escampette. Mais d'abord le visio chat. Non, d'abord Anakin. Et puis bon, après on va voir ce qu'on fait. Non, parce que en fait. Ouais, parce qu'il a qu'une seule barre sur son téléphone de l'espace. Le mec il capte pas. Oui, en plus le mec il capte pas, il se dit pas bon attends je vais aller dans l'espace, ça se trouve je capterai mieux, ça se trouve c'est l'atmosphère qui est pourrie ici. Donc, il se dit ouais non c'est bon je vais faire ça à découvert en plus, pas de soucis. Mais il a pas pris le forfait galactique, donc il peut appeler que qu'à une certaine distance là, 3 parsecs. Il est chez Free. Vous vous rendez compte quand même qu'après s'être aliéné les fans des nouveaux films, on va maintenant s'aliéner les fans de la prélogie. On va plus y avoir personne pour nous écouter. C'est-à-dire qu'il y en a ? Oui. Ils sont 4. On les respecte. C'est les mêmes qui ont fait le groupe Facebook contre Lady Gaga en disant qu'elle serait jamais célèbre. C'est les 4 mêmes. C'est les mêmes gens. Ils ont un pif. Ils ont du flair. Ils ont un pif quand même. Non, vous avez tout à fait le droit d'aimer les films que vous voulez. Bien sûr. Ouais. Après, ils essayent de... Alors, je sais pas si c'est bien fait ou pas, mais ils essayent d'installer cette espèce d'ambiguïté de « Ah, du coup, c'est censé être le gros méchant. » Puis justement, tu le vois tout à fait banal, en train de marcher, discuter avec son petit conseil. Et puis après, quand il a Obi-Wan, il fait genre « Non, mais en fait, Qui-Gon, il me manque. » Et puis ensuite, Qui-Gon et moi, on discutait beaucoup parce que le conseil Jedi, c'est caca. Et ouais, Qui-Gon, c'était un rebelle. Et du coup, si tu veux, je peux prendre la place de Qui-Gon. Non ? Tu vois, le gars, et puis lui fait « Non mais en plus, je suis pas méchant, c'est Dark Sidious le méchant. Dark qui ? Non mais si. » Et puis en plus, Dooku, c'est censé être un aristo, donc finalement, qu'on le voit dans une sorte de conseil d'administration comme ça, c'est logique quelque part, c'est eux les vrais méchants. Il s'appelle le comte Dooku, mais c'est parce qu'il est comptable en fait. Tout le monde lui dit « Comte Dooku ». Et lui, il a mal compris. Donc voilà, et puis donc ils reçoivent le message. Ah non, on n'a pas dit que Anakin, bon bah voilà, tout le monde le sait, hein, il retrouve sa mère, il massacre tout un village parce que... Ah, alors moi j'ai juste une question, il dit qu'il massacre les hommes, les femmes et même les enfants, mais est-ce qu'il massacre les chiens ? Bah oui, je suis sûr qu'il a tué les chiens et il en parle même pas. Ouais, j'avoue. Je pense qu'il l'a pas dit parce qu'il se dit, ok bon, je peux avouer les mecs, je peux avouer les femmes et les enfants, mais alors les chiens, je crois que ce sera trop loin pour elle. Les chiens, j'avoue, c'est chaud, quoi. Ouais, ça va lui rappeler ses cochons, elle va être triste. Hein ouais. Et en plus, il lui fait, j'ai fait tout ça, et en fait, je m'en bats les couilles, je ressens rien. Genre, je suis content parce que c'était des animaux, hein, parce qu'ils sont pas comme nous. Et t'as pas de mec qui est genre, ok, mais on peut toujours bouffer des poires au coin du feu, ou... Je pense qu'à partir de là, elle rentre dans un déni total, parce que dans le 3, quand Obi-Wan lui fait « Il a tué des enfants », elle fait « Non ! Non, il pourrait pas faire ça !» Non, il te l'a dit toi-même. Oui, c'est ça. Il te l'a dit le film dernier, tu t'en rappelles pas, connasse ? La meuf, elle a un trauma, elle a effacé ça de sa tête. Tatooine, t'as quoi? Non, jamais vu cette planète. Non, tuer des enfants, non. Anakin, c'est pas son genre. Ça, en fait, c'est, elle est tellement aristo que elle a oublié qu'elle était allée sur une planète de pauvres. Elle a effacé tout ça de sa mémoire. Voilà, il fait tout ça. Ils enterrent, et puis, il fait bon, je suis triste, mais, non, c'est même pas ça, en plus, il fait, oh, je passe mon temps à désobéir à Obi-Wan, mais maintenant qu'il est en danger, je pense que je vais pas y aller. Non, mais tu déconnes ou quoi? Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est non, vrai. Mais en plus, elle lui fait, mais attends, mais c'est Obi-Wan. Bah oui, je sais, c'est comme un père, hein, mais je vais rester ici. C'est comme un père. Et tu sais quoi? Eh ben, j'ai déjà creusé une tombe pour ma mère, je peux bien le mettre dedans aussi. Fait deux fois moins d'efforts, quand même, hein. Et c'est d'ailleurs dans ce, dans le message de lancé par Obi-Wan qu'on voit les droïdes les plus stylés de la saga, quand même, les droïdes destroyers. J'étais un peu déçu que vous n'en ayez pas trop parlé pour l'épisode 1. Ouais, mais c'est parce qu'on les voit pendant pas longtemps. Oui, tiens, d'ailleurs, en parlant des droïdes, je disais à Grushkov l'autre fois que c'est plutôt cool parce que c'est... généralement, dans la SF, je compte pas Asimov, t'avais ce truc de... oula, les droïdes, les intelligences artificielles, les robots, ils deviennent tellement intelligentes qu'elles dominent le monde. Et dans Star Wars, t'as Obi-Wan qui se fout de la gueule en disant « Oh, bah, si un droïde était plus intelligent que nous, ça se saurait. » Et t'as les droïdes... C'est Obi-Wan qui dit ça. C'est ça. Et tu vois les droïdes et tu fais « Ouais, ok. » Bah c'est, moi je trouve que c'est plutôt cool d'avoir le côté, ouais, en fait ils ont vraiment fait une IA spécialisée, ça tire et ça parle vite fait. Mais ça tire. T'as R2 qui se tune, c'est miaouf, tu sais, R2, mec. Mais c'est pour ça qu'il passe son temps à dire des insultes, il a le méga seum en fait. C'est ça. Et en plus, en fait, ça se trouve, Obi-Wan quand il fait, ouais, non, moi j'ai jamais connu ce droïde là, en fait, c'est, mec. Un jour, il a appris que tout le monde le prenait pour le bouffon du village. Il fait ok, moi je les connais plus ces gens-là. Du coup, ça tombe sur R2 parce que le pauvre. C'est le seul qui est revenu le voir. Viens m'aider. Oh non, je te connais pas. C'est bon là, ça suffit. Ils vont encore se moquer de moi. En plus, voilà, il y a personne qui se pose la question. Ouais, mais c'est des clones. Enfin, je veux dire, c'est pas très éthique. T'as même Windu qui fait ouais, bon bah va falloir ramener la marchandise. Je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il les appelle les produits ou la marchandise. Ok. Donc le gars, il est dans le déni. C'est genre, non, attends, on va faire genre... c'est dans la VF, il emploie un mot comme ça, genre les produits ou les trucs comme ça. Et je me dis, ah ouais, le gars, il est tellement genre... Non, il faut pas se poser de questions éthiques, sinon je vais faire un burn-out. Alors on va dire que c'est juste des trucs en armure, en CGI, c'est bon. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, pour montrer à quel point il s'en tape de l'aspect éthique, c'est que c'est même un argument de vente à un moment quand ils sont sur Kamino et que oui. le ministre le fait visiter et dit, hey, vous savez, ils sont un peu plus créatifs. Un peu plus intelligent que les droïdes. Donc en fait, c'est juste, voilà, c'est même plus des humains, c'est juste des droïdes légèrement améliorés. Voilà, c'est complètement assumé. Voilà, il y a pas de problème. Je suis en train de réaliser, il y a un aspect du film aussi dont on n'a pas parlé, et je sais plus si c'est déjà arrivé, enfin, si au moment où on est de l'histoire, c'est déjà arrivé ou pas. C'est le moment où t'as le vote dans le Sénat. Et où en gros, t'as Jar Jar Binks qui est censé représenter Padmé qui dit « Bah, de toute façon, c'est la merde, moi je propose qu'on donne les pleins pouvoirs à Palpatine et du coup, c'est lui qui va gérer la merde. » Ce qui, du coup, confirme complètement la théorie selon laquelle, en fait, Jar Jar Binks, c'est un Sith qui est infiltré. Parce qu'en fin de compte, qui c'est qui donne les pleins pouvoirs à Palpatine? Et ben, c'est ce connard de Jar Jar Binks qui passe pour un bon fond depuis le début, alors qu'aussi bien, c'est un connard et un traître infiltré, quoi. Alors qu'en fait, non, parce que si tu regardes le film, t'as Padmé qui est genre, elle a tellement personne à qui faire confiance qu'elle choisit Jar Jar pour la représenter sur un vote pour lequel elle était prête à se mettre en danger. Et puis, t'as Jar Jar qui est genre, bon, faut pas que je la déçoive. Et là, t'as Palpatine et son mec bleu, là, je sais pas si c'est un Twi'lek ou quoi, avec leurs gros sabots qui sont, il faudrait vraiment quelqu'un de très fort, pour me donner les pleins pouvoirs. Oui, c'est vrai. Quel sénateur pourrait faire ça? Oh, si seulement Padmé était là. Et t'as Jar Jar qui est, oh! Mais ça? Les mecs pas subtils, quoi. Bah, je sais pas, perso, je pense vraiment que. En fait, la manière dont le personnage de Jar Jar est tourné dans le pour moi, c'est clairement le mec que tu prends pour un bouffon dans le premier, du coup tu penses pas que c'est une menace, et en fin de compte il va niquer tout, il va niquer le game, et c'est lui qui va complètement te retourner à la fin. Et c'est pour ça que pour moi, le fait qu'il le fasse passer pour un bouffon, enfin, j'ai l'impression que moi, ça appuie cette théorie selon laquelle Jar Jar Binks est un traître, quoi. Mais surtout que, ouais, lui, c'est lui quand même qui va prendre. Il prend pas la parole une seule fois, à part pour dire oh, je suis content de vous revoir, ça fait plaisir. Et la seule fois où il prend la parole au Sénat, c'est pour dire moi, je vote, on donne les pouvoirs à Traitros, là, avec sa sale gueule. Alors qu'en fait, non, parce que c'est Lucas qui a écrit. Je veux dire, Lucas, il s'est dit alors, un de mes personnages principaux, ça va être mon chien. Genre, mon chien avec une arbalète. Donc je pense pas qu'il ait pensé à Jar Jar comme ça. Surtout qu'il me semble que ça peut pas être canon parce que Jar Jar il finit clochard. Oui, il finit clochard, c'est la risée de tout le monde d'un abou. Les gens ils lui en veulent. Il se fait bolosser parce que c'est à cause de lui qu'il y a eu la merde. Oui, et ça c'est canon. Par contre, qu'il finit dans la rue à se faire maltraiter par tout le monde. Ouais, il finit artiste de rue. C'est encore canon parce que ça, je crois que ça date d'avant la refonte du. Ok, ok. Mais ça se trouve, on le sait pas. Mais ça se trouve, c'est un clown. C'est vraiment un site parce qu'il fait le clown en jonglant avec des poires, mais avec la force. Mais en fait, c'est Pennywise depuis le début. Hein. Du coup, avec toutes ces conneries, je sais plus à quel moment on en est là. On en est déjà à la phase où ils font du jeu de plateforme. Ben, ou quand pas ils arrivent sur Geonosis. Donc là, ils arrivent dans une usine de fabrication de droïdes et puis. Il y a C3PO qui est là en mode « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, des machines qui fabriquent des machines oh !» Il est tout émoustillé. Il me semble qu'il y a ça aussi dans une des nouvelles d'Asimov. Je sais plus si c'est un humain ou un robot qui est perturbé parce qu'il y a des robots qui fabriquent des robots. Je crois que c'est le robot prophète qui se dit « Non, c'est pas possible. » Non, la séquence, c'est pas encore une fois un R2 Save the Day où il est encore de retour pour sauver tout le monde. En plus, là, il y a R2 qui arrive et qui fait bon, s'il te plaît, tu te pousses, et boum, il le pousse dans le vide. Et de manière totalement gratuite, quoi, parce que c'est... Tu sais, il aurait juste pu dire, excuse-moi, est-ce que tu peux te décaler pour que je mette mes petits propulseurs pour aller sauver ma pote? C'est genre, allez, non, dégage, paf, ici, Sparta. R2-D2, c'est zéro fuck, voilà. En même temps, ça colle avec l'arc qu'on a mis en place précédemment, quoi. Par contre, on n'a pas dit aussi. Il n'avait pas envie de faire le tour. C'est bon, il en avait marre. Il y a des trucs qu'on a oublié de dire par rapport à Anakin, c'est genre quand il est dans le nightclub, bien avant, là, avec les bâtons de la mort, tout ça. Donc, il coupe. T'as Obi-Wan qui coupe la main de la meuf, et puis lui, il est. C'est bon, circuler, il y a rien à voir, genre en mode flic. Et après, quand il arrive sur Geonosis, il passe dans un couloir où il y a des gens qui pioncent. Ils sont dans leur maison, ils pioncent. Il se met à les attaquer. Les gens se réveillent, ils voient deux trucs d'une race alien qui sont chez eux. Genre merde, c'est quoi ces trucs? Ils ont même pas d'ailes. Ils font même pas que ils parlent. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc ils se lèvent, genre vous foutez quoi dans mon couloir? Et le mec direct, il les attaque, genre oh putain, des insectes géants. Viens dans le concept du vous foutez quoi dans mon couloir? C'est pas une maison, ils sont dans un couloir, ouais. C'est juste un couloir. Oui, mais les gens ils pioncent dans ce couloir. Est-ce que tu as un problème avec leur culture? Il les attend cachés dans l'ombre et tout. C'est parce que tu es spéciste. Ah mince. Ils pionçaient juste. J'avais pas pensé à cette éventualité. Alors le mec il a peur des insectes. C'est le bon Jedi et le mauvais Jedi. Le bon Jedi il voit un truc qui bouge, il coupe. Le mec il voit une sauterelle géante, il fait ouf. Le pire en plus avec cette séquence, c'est qu'elle était pas là à la base et ils l'ont rajoutée pendant les reshoots pour ajouter de l'action ou je sais pas quoi. Et du coup, ça n'avance absolument pas l'histoire, à part que voilà, ils se font capturer. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression. Déjà, pour moi, c'est clairement un jeu de plateforme ce truc avec Padmé qui doit savoir à quel moment elle doit sauter pour éviter les pieds presseurs là. Et enfin, je sais pas, t'as trop l'impression quand tu vois cette scène que les mecs se sont dit. Il faut qu'on fasse un jeu vidéo suite à ce film. Du coup, on va réfléchir à des scènes qui pourraient être des niveaux de jeu. Et j'ai vraiment l'impression que ça m'a donné, quoi. C'est vrai qu'elle est pas terrible. Mais même pas, c'est le seul qui en a pas. J'en ai jamais vu. Hein. Oui, c'est justement parce que, ouais, il y en avait pas. Ils ont une extension pour Battleground, le jeu de stratégie, mais c'est tout. D'ailleurs, c'est très drôle parce que au moment où Padmé, elle risque de mourir parce que le truc s'ouvre pour faire tomber de la lave ou du métal en fusion sur sa tronche, t'as R2 qui est posé devant le truc, devant la commande, et qui, dans sa tête, ça doit être genre, ah ouais, vous vous foutiez de ma gueule en disant, ah, heureusement qu'on a R2 pour nous sauver. Alors tu vas voir, je vais te foutre la trouille. Il attend la dernière minute, le truc est ouvert, il fait, Ok, il y a la lave qui arrive. Ok, je ferme. Voilà. Alors R2, hein. Et après pour la libérer, il balance le truc par terre. Avec, oui, en plus. Tiens, on va te secouer un petit peu. Tu vas voir ce que ça fait. Tu vas voir ce que ça fait les escaliers. Ah oh, bah je pensais pas visiter une fonderie aujourd'hui. Hein. Et donc ouais, au moment où notamment où elle va se faire verser le métal en fusion sur la tronche, il y a pour la deuxième fois, c'était on l'avait déjà vu lors de la baston de. Avec Obi-Wan et Jango quand il perd son sabre, c'est la deuxième fois qu'ils utilisent, j'avais noté, ça m'avait choqué, des zooms ultra kitsch pour accentuer le côté dramatique du truc. Donc au moment où elle va se faire verser la lave en fusion, il y a un zoom sur elle pour montrer « Oh mon Dieu, elle va mourir !» Et ça, c'est dingue. C'est vraiment du niveau de je trouve ça dingue de voir ça dans un film de ce calibre-là. C'est vraiment le niveau film de production de... C'est tellement kitsch, c'est tellement cheap, des zooms comme ça, c'est incroyable. J'arrivais pas à y croire. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais on les voit bien. Voilà. Après, ils retrouvent Obi-Wan dans les arènes, parce que hein, au lieu de les tuer directement, ils décident de faire un petit spectacle. Bah, voilà, ça leur retombe sur le coin de la figure. Et Obi-Wan, qui quand même est un Jedi, donc il a la force et tout, mais le mec, ça fait au moins 20 minutes qu'il poirote attaché à des chaînes, à un poteau, en se disant « Bon, qu'est-ce qui se passe après ?» Qu'est-ce qui se passe? Il y a des danseuses, du popcorn, là, vous m'amenez un truc à voir. Il est où le spectacle? Il est où le spectacle? C'est ça, il veut voir aussi, quoi. Mais il avait préparé une super répartie pour quand il verrait Anakin, donc il attend qu'il vienne pour lui dire. Mais qui s'est dit, je me fais bolosser, maintenant c'est mon tour, hein. Attention, hein. Mais d'ailleurs... J'ai préparé ma réplique, ça fait une demi-heure que je la rôde. Et le mec il a dit, il bafouille au dernier moment. Merde. Et ben, c'est un merde. Mais d'ailleurs, je viens de me rendre compte que quand ils font ça, il y a les Jedi qui sont tous dans l'arène. Et donc ça se trouve, les mecs qui regardaient, ils font, j'espère qu'il va faire de la merde, Obi-Wan. J'espère qu'il va crever. Les mecs, ils ont parié. On intervient tout de suite. Non, attends. Là, Obi-Wan dans l'arène. Attends, ça va être marrant là. Et du coup, tu vois, t'as les deux Jedi qui peuvent utiliser la force, donc manier n'importe quel objet. Ils sont attachés à leur chaîne, ils sont genre, qu'est-ce qu'on va faire? Et t'as Padmé avec son épingle à cheveux, genre, putain, quelle bande de bolos. Et qui s'escalade, qui s'échappe, et ils sont genre, ah ben elle fait ça, elle. Ah bah c'est facile quand on a les cheveux longs. Tu vas pas me dire que le gars, avec la force, il peut pas bouger l'intérieur d'une serrure. Genre ça doit être un mécanisme à la con, c'est genre non, pouf, tu bouges une pièce et c'est bon. Non mais de toute façon on a établi qu'Obi-Wan il a pas de pouvoir, c'est juste un imposteur. Du coup il espérait qu'Anakin le fasse, et puis il voit qu'Anakin le fait pas, il voit que Padmé a ses épingles. Tu veux pas m'enfiler une, s'il te plaît? Non mais en fait il est en sueur. Lui il est comme ça, depuis tout à l'heure en fait il est super concentré, il essaye d'enlever le truc, il comprend pas pourquoi ça marche pas. Et t'as les Jedi dans les coulisses, regarde ce con, il croit encore qu'il a des pouvoirs. Bon voilà, après donc il y a tout le truc, les bébêtes qui arrivent. Les créatures sont stylées je trouve. Ouais, ils sont cool. Mmh. Ça c'est très vrai. C'est clair. Mais c'est vrai que autant Yoda est pas terrible, autant les créatures je trouve sont vachement cool, notamment l'espèce de gros rhinocéros là dont je connais pas le nom. Mais moi j'aime bien la c'est pas le Rick. L'insecte et le tigre sont méga bien. Ouais. Et moi j'admire Anakin, il est prisonnier dans une arène avec des spectateurs. Le mec il a jamais dû suivre un cours d'histoire, donc il est prisonnier comme ça. Il voit des grosses bestioles arriver et c'est que quand il y en a une qui bouffe quelqu'un, et cette bestiole-là, elle vient même pas vers lui, en plus, qui fait « Ah, je le sens pas trop. » Mais surtout... Bah, en fait, il dit... D'ailleurs, ouais. Vas-y. Non, j'allais dire que d'ailleurs, en fait, la scène m'a... Faut que je le remate, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. La scène dans l'arène m'a beaucoup fait penser à celle de John Carter from Mars, de 2012. Ouais, mais un peu moins bien, quand même. C'est vrai. Alors, deux trucs, donc parce que Anakin il dit j'ai un mauvais pressentiment, et moi je pense honnêtement je pense que c'est une référence à l'épisode 1, la première réplique de. C'est rigolo qu'il le fasse à ce moment-là, tu sais. Bah non mais c'est une réplique qu'il y a dans tous les films, Xemnut. Ah je savais pas que c'était dans tous. C'est juste qu'en VF ça s'entend pas forcément, mais c'est I have a bad feeling about this. Il y en a dans tous, ouais. Ah, okay, il y en a de tous, sauf, enfin, si, dans The Last Jedi, c'est la première réplique de BB-8. Ah bon. Qui dit ça à Poe. Ouais. Et par c'est rapport le seul film de la saga où tu l'entends pas vraiment. Ouais. Y a pas quelqu'un d'autre qui le dit. Non, non, c'est BB-8. Mais c'est bon, là. Ça suffit, okay, maintenant. Okay. Et donc, juste rapidement, le deuxième truc par rapport à la scène de baston avec l'espèce de grosse araignée. Ce que j'avais lu quelque part, c'est que c'est une référence à Jason et les Argonautes. Mm. Et que, apparemment, John Carter aussi est un hommage au truc. Ah, bah, clairement. Ça ressemble plus à une mante ou à une mante religieuse qu'à une araignée. Bah, je sais pas, il avait ouais. beaucoup de pattes. Bah, elle a un long cou avec une tête pleine de oui, dents, bon, ça merci. Ressemble plus. Bref, ça ressemble, à... ça ressemble à un alien. Je savais pas que c'était entomologie le podcast. C'est pas une saloperie, elle a été réduite en esclavage, ça se trouve, la pauvre, elle veut juste s'échapper, et puis t'as Obi-Wan qui arrive et qui est « Je vais te couper toutes tes pattes, c'est trop drôle !» Alors qu'aussi bien, genre, elle s'appelle Suzanne, elle a une famille, des enfants, des amis, un prêt à rembourser, et personne n'en parle. Voilà, et puis après, bon, bah, c'est moins bien. Non mais en vrai moi je trouve ça super relou quand il y a les Jedi parce que il y en a ils sont beaucoup trop à fond et il y en a d'autres t'as l'impression ils comprennent pas ce qui se passe tu sais. Il y a des figurants qui sont tellement à fond qui font des trucs alors qu'ils ont pas d'ennemis autour genre je te pousse mais il y a personne autour et t'en as d'autres qui sont je sais pas ça se bouge comme ça un sabre laser et c'est trop drôle quand tu regardes ce qui se passe dans le fond des scènes de combat. C'est très drôle. C'est ça, monsieur Lucas, on en fait une deuxième. Ouais, il fait chaud, c'est bon. C'est bientôt l'heure des minicums en plus. Mais là, je trouve que dans cette scène, il y a un truc qui se voit encore, qui était déjà présent avant, qui se voit vraiment, c'est la mollesse de la manière dont c'est filmé. Il y a plein de plans en caméra fixe qui sont hyper mous. Et là, ça se voit à fond dans cette séquence. On l'a pas dit, mais il y a aussi le moment où Padmé, elle est tout en haut de sa colonne qui fait, je sais pas moi, au moins 10 mètres. Ouais. Et elle saute pour atterrir à califourchon sur une bestiole qui a le dos saillant, tu vois, genre un peu en pointe. Et la meuf, nickel, parfait. Nous, on a ouais. rien entre les jambes, en fait. On peut sauter comme ça sur des trucs. Non, mais c'est vrai que pour l'avoir revu cet après-midi, tu la vois sauter et puis, tu sais, j'ai eu un petit... Ah oui, moi aussi, hein. D'ailleurs, juste avant tout ça, ils sont là, et fait « Bon, on va crever. Bon, allez, ouais, vas-y, je t'aime. » Comme ça, il partira avec une bonne conscience. Et le problème, c'est qu'il survive, et là, il fait « Oh, merde, je vais devoir me marier avec lui, maintenant. » Et d'ailleurs, c'est dommage, c'est encore une scène foirée. Ça, au début, c'est assez stylé, parce que on le voit de dos au moment où ils arrivent dans l'arène, avec la musique de John Williams, magnifique et tout. Et ensuite, ils passent en plan large, où ils sont tout petits au milieu de l'écran, et ça casse complètement le côté épique et grandiose du truc. C'est complètement dommage, voilà. C'était lourdingue, ça aurait pu être bien filmé, c'est même pas bien filmé. Bah, c'est George Lucas, quoi. Voilà, donc si vous avez envie de parler un peu plus de la bataille dans l'arène... Alors, il n'y a personne qui a fait le rapport, mais il y a quand même Yoda qui se la joue Nick Fury. Et moi, ça m'a fait rire, surtout avec la prochaine sortie de Avenger, machin. Ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'on sait très bien que Nick Fury, bah, c'est Mace Windu, c'est le même acteur. Moi, je trouve ça très drôle, parce que Yoda dans un hélicoptère, c'est un peu badass. T'sais, ils atterrissent et là, il y a Yoda qui fait « Get in the chopper !» Puis c'est surtout super marrant par rapport au tout début du film qui disait « Nous, on est des gardiens de la paix, on n'est pas des soldats. » Voilà, ils ont vite changé d'avis. Hein. Et là, il y a Yoda qui arrive « Poussez-y-les tous !» Gros film de Vietnam, voilà. J'aime l'odeur du blaster au petit matin. Moi, j'aime bien Windu qui est trop chill. « Bon, allez dans l'arène, moi, je vais voir Doku. Démerdez-vous. » Et puis un truc qui est quand même qui est dommage, qui est mal foutu, c'est la mort de Django. Il meurt en 3 coups de cuillère à peau, quoi. Il se fait un peu bolos par le rhinocéros. C'est presque aussi nul que la mort de son fils au final. Genre t'as l'impression. C'est une famille, ça aussi. T'as Django qui est dans sa qui se prend pour un toréador là, mais pas trop confiant, tu vois, avec le rhinocéros. Puis il dit oh c'est bon, je l'ai buté. Et là t'as Windu qui est... Salut. Oh merde. Il y a un moment dans la bataille qui est assez joli, c'est quand en fait, tu sais, il y a plein de poussière et tout, et du coup, tu vois plus rien, et c'est joli parce que tu vois plus rien. Parce que ce qu'on voyait avant, c'était naze, c'est ça. Non, non, mais en fait, t'as les tirs de blaster colorés dans la fumée et tout. Ouais. Et c'est assez classe. Et même là, il se sent plus. Là, il a eu une poussée d'inspiration. Il s'autorise des caméras à l'épaule avec des mouvements et tout, là, pour donner l'intensité. Là, je sais pas, il a pris un rail de coke là, à ce moment-là. Là, il a eu un. Ouais. Et puis après, là, du coup, il revient à la réal. Il fait : et si on suivait le papy en moto ? C'est bien ça. On n'a pas parlé de la petite blague aussi de ces trois PO qui est sur le corps d'un druide. Ah genre, ouais. Crevez les Jedi. Oh merde, pourquoi je dis ça? Chien Jedi. Ouais, c'est ça. Jedi Dogs, ouais. Avec, il se fait encore bolosser par R2, genre, moi, viens là, je te récupère ta tête, c'est bon. Et du coup, mais d'ailleurs, tout le monde se barre, il reste plus que dans l'arène le gamin et les deux droïdes. Tout le monde s'en fout de. T'as R2, il en a vraiment plein les fesses, quoi. Oh, c'est pas vrai. Comptez pas sur moi pour adopter le gamin, ok? Et c'est vrai que autant les scènes de moto de l'espace de Anakin sont stylées, autant celles de Dooku sont nazes. Bah là, en vrai, toute la fin, à partir du moment où on arrête la bataille et ouais. On va dans les duels qui sont mous du genou. La bataille de quand ils pètent les gros vaisseaux boules gigantesques et tout, c'est super cool. Et tu dis, waouh, c'est un beau final. Et puis après, t'as le truc qui retombe avec le duel avec Dooku et tout. Non mais en plus alors il y a plein de trucs foirés, genre Grushkov il me disait là il a la bonne idée, t'as plus d'électricité, t'as plus de lumière donc tu vois bien les sabres laser, et au lieu de faire un plan où tu les vois se battre avec les sabres laser un peu à distance, non il fait juste des zooms sur leur tronche et des même champs dans les champs sur leur tronche, oui, avec leur oui, sabre qui passe devant, c'est... quoi. Oui, c'est un espèce de moment technoparade. tu vois les lumières des sabres qui se reflètent sur leur visage, mais en fait t'as juste l'impression qu'ils sont en boîte de nuit et qu'ils bougent comme ça. C'est complètement ça. Puis le mieux, je trouve perso, c'est Yoda qui pousse des petits cris quand il saute partout. Il est oui. Vraiment à fond. C'est trop génial. Je veux dire, ça colle pas trop avec l'image, mais ça m'a beaucoup fait rigoler. La preuve qu'Obi-Wan n'a pas de pouvoir, c'est que le mec, il a juste reçu un petit coup en pointe de sabre laser dans la jambe, un petit coup sur le bras, mais le mec, ça y est, il peut plus rien faire. Genre, il y a le plafond qui lui tombe dessus, c'est « Oh mon Dieu, j'espère que Yoda va réagir à temps, parce que je suis trop occupée à me tenir la cuisse avec Anakin qui roupit sur mon ventre. » Et là, t'as Kylo Ren qui le regarde, qui fait « T'es sérieux, mec ?» Et puis le moment où t'as Dooku qui fait tomber une sorte de... Enfin, plein de tuyaux, genre tour de Pise, sur Obi-Wan et Anakin, et Yoda, il se concentre, mais pour que le machin, il leur tombe pas sur la gueule. Et au lieu, je sais pas, de lancer le truc sur le vaisseau de Dooku qui est en train de se barrer, il se dit, je vais le poser à côté, on va le laisser s'enfuir, il faut quand même qu'il y ait un troisième film. Mais genre, tu vois, le mec, c'est censé être le Jedi le plus puissant, le gars, il peut pas utiliser un bras pour stopper le truc de bouger, genre juste le stopper de sa chute, et je sais pas, envoyer voler Dooku contre le truc, ou... Non, c'est, oh, un tube! C'est mon pire ennemi. Mon moment préféré, c'est quand même dans le duel où à un moment Anakin fait oh putain j'en ai marre, et puis du coup il tend son bras comme ça sur le côté, il fait vas-y coupe-le, j'en peux plus. Mais oui, mais en plus il est assez long ce moment, tu le vois bien. C'est vrai. Juste rien faire, à attendre, et oh il se fait couper le bras. T'as les mecs qui font une pause, il fait on le fait vraiment là. Bon allez vas-y. Mais comment il va faire pour les poires? Il voulait prendre son arrêt maladie, moi. Tu sais. C'est bon, j'ai fait des heures sup ce mois-ci. Foutez-moi la paix. D'ailleurs, la tronche de Dooku résume bien le truc. C'est quand Dooku se barre dans son vaisseau, il regarde et ils sont sérieux, ces trois bouffons, là? Et puis même, un autre truc qui aurait pu être cool, c'était le duel d'éclairs de force. Mais c'est pareil, c'est filmé de plein pied avec les personnages voilà, vraiment complets. Plutôt que d'avoir des plans serrés ou qui auraient donné de l'intensité, là, c'était tout mou. C'était, ça aurait pu être bien et ça a été mal fait, comme tout le reste du film. Moi, j'en fais une boule. Moi, je te le renvoie. Miroir, miroir. Bah, ça encore, ça me choque pas, mais c'est surtout super mal filmé. Oui, j'adore. Bah... Ouais, bon, bah, puisque j'arrive pas à t'électrocuter, on va utiliser le vrai pouvoir des Jedi, hein, le combat laser. Et d'ailleurs, le mien, il est courbe. Ah, tu fermes bien ta gueule maintenant. Et ce qu'on sait pas, c'est que ce moment-là, il se passe sur un parking de Auchan, en fait. C'est pour ça que... Donc c'est le retour du combat de rue. Et cette fois c'est le combat de papy sur le parking. Genre. C'était ma place, c'était mon caddie. Fais gaffe, je l'ai dit à mon papa, il a 900 ans. Il va te défoncer. Il a pris sa coque aujourd'hui, il va sauter partout. T'as pas idée de ce qui va t'arriver dans la tronche. Ce que j'adore, c'est que du coup, t'as les trois paumés qui sont genre, bon, on a bien merdé. Et puis t'as Padmé qui arrive avec le reste. Et puis Padmé, direct, elle va faire un câlin à Anakin. Mais elle calcule pas qu'il lui manque un bras. C'est genre, elle arrive, ah, câlin! Pourquoi tu me tiens pas avec celui-là? Non, c'est. Moi, je sais pas, je vois le mec qui lui manque tu un bras. J'ai pas de questions. J'arrive, je regarde le mec, je fais, what? Ça, tu sais? Tu sais, ça c'est tombé. Comme tout bon riche qui se respecte, du coup, il s'en va avec dans un vaisseau à voile. Mais oui, il est trop classe, ce vaisseau. Voilà, donc après, il arrive sur Coruscant, il va dans la partie, bah, il va... Dans l'entrepôt désaffecté, dont les portes ont des pics pour se fermer. Genre, c'est vraiment trop dark. Genre, le contour des portes, il y a des pics. Et ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a une pancarte qui dit « Ceci n'est pas la base des méchants ». Passez votre chemin. Juste au cas où. D'ailleurs, c'est dans la partie de la planète où il y a des gros nuages, c'est-à-dire que tu vois la planète toute illuminée, et t'as une zone de ville et de bâtiments que tu vois pas parce qu'il y a un gros nuage au-dessus, et c'est là où il va. Il va dans la zone nuageuse. Oh oui, c'est pas du tout suspect. Ouais. Mais il fait oh voilà, on s'est quand même bien fait poutrer. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, t'en fais pas, tout se passe bien. Attends, ça se passe bien qu'on se fasse poutrer la gueule. T'es sûr que t'es pas en train de... la guerre. C'était dans mon plan depuis le début. Puis après on switch sur Assemblée nationale TV. Ouais, c'est ça. Oui, il regarde l'armée. C'est le 14 juillet, je pense. Et il regarde. Oh, bah, tous ces clones. C'est vraiment dégueulasse parce que les CGI sont vraiment datés, en fait. Hein. Ah non, mais c'est dégueulasse. Tu le regardes maintenant, c'est. Ouais, avec les Star Destroyer et tout. Mais c'est le problème. Ils sont tout lisses, les personnages en CGI. Mm. Bah, après, c'est des droïdes et c'est des clones. Donc, ils sont tout lisses, oui et non. Mais effectivement, c'est surtout qu'ils sont très. Tout est tellement symétrique et la manière dont c'est montré, c'est ouais. En fait l'un des reproches principaux que je fais à ce film, hormis le fait que la relation de Padmé et Anakin c'est calamiteux, c'est le fait que les trois quarts des décors des personnages, de tout ce que tu vois est en CGI, fait que il y a un comment dire, t'as l'impression que tout est vide, que tout fait faux et que tout est vide. Et en fait quand tu vois l'armée des droïdes et tout à la fin, moi j'ai juste l'impression de voir trois mecs qui regardent fixement à fond bleu, quoi, et qui attendent, qui font genre oh là, il se passe des trucs au loin. Même les Star Destroyer ont pas l'air. T'as les Star Destroyer, ça fait pas vrai, ils quoi. Ont pas l'air de peser. Ouais, ouais. T'as pas l'impression d'avoir un truc volumineux qui s'en va, t'as juste le truc de attends, comment on fait la perspective déjà pour qu'ils partent vers là. c'est comme notre fils, il fait un vaisseau gros et un vaisseau petit, il fait c'est petit c'est parce qu'il est plus loin. C'est la perspective. Bon, attention, et là, tu vas être décoiffé. On a pas parlé aussi de la salle où justement t'as Windu, Yoda et Obi-Wan qui parlent de l'arrogance des Jedi et tout, et où c'est la salle où tu vois des colonnes et c'est tout, ils sont genre truc. Dans la Moria, mais ça fait faux. Cette salle-là, et Yoda qui a la flemme de marcher d'ailleurs, hein, dans son petit siège. Ouais, il a son petit déambulateur volant là, c'est beau aussi. Mais et il peut faire des pirouettes après, quoi. Moi, dans les effets spéciaux loupés, ce qui m'avait choqué, alors je sais pas si c'était peut-être le truc que je regardais qui était de mauvaise qualité, mais j'ai l'impression dans les scènes sur Kamino, je trouvais que le personnage d'Obi-Wan était mal. C'était les bords étaient flous. Non mais tout est flou. Mal intégré, il y avait une espèce de côté de, les bords le autour de son personnage c'était blanc comme ça, et ça donnait une impression qu'il était mal détouré, en fait. C'était trop bizarre. En fait, ce qu'on sait pas, c'est qu'il a pris un bâton de la mort et il est vraiment en train de rêver, le gars. Il a rêvé que les gens lui donnaient des missions intéressantes et tout, tu vois. Ce qu'on sait pas, c'est qu'il est défoncé pendant tout le film. Aider les enfants. On n'a pas parlé quand ils sont justement au Sénat et qui il y a pas une séquence finale au Sénat tout à la fin? Non. Ah bah je dois me mélanger, ouais. À la fin, c'est la séquence « Traitro, c'était un traitre » où tu te rends compte que Palpatine, c'est lui le méchant. Tu sais, le mec qui a fait en sorte d'avoir les pleins pouvoirs, et bah bizarrement, c'est lui le méchant, quoi. Ouais. Le mec qui, son discours, fait « Je suis amoureux de la démocratie, je vais rendre les pouvoirs quand j'en aurai plus besoin. » Promis. C'est ça. J'ai juré. Ça me dégoûte de prendre les pouvoirs. Il va voir de coup, il fait « Hé, j'ai croisé les doigts. Je les ai tous niqués. » D'ailleurs, t'as le plan avec les Star Destroyers et les clones qui s'en vont et tout, où t'as tout le monde qui regarde le fond bleu, et t'as Bale qui est genre « Oh bordel, qu'est-ce qui se passe ?» Oui, Bail Organa. Pourquoi même. Bail Organa, ouais, qui est le seul qui est vraiment à fond dans le truc, genre « Oh merde, on va tous mourir. » Et ça finit avec le mariage. Bah d'ailleurs, après. Tu parles du mariage, mais un truc qui m'a... Parce qu'en fait, le film, je l'avais vu à sa sortie au cinéma, bah, en salle, et je l'avais déjà trouvé très très nul. Et j'ai arrêté, je me suis dit, je vais arrêter de me faire du mal, et je l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un truc qui m'a choqué dans la scène du mariage, et c'est tout con, hein. Mais c'est qu'en fait, t'as R2 et C3PO, ils sont abandonnés au milieu de l'arène. Là où il y avait les bestioles géantes, ouais. et tu les retrouves à la fin au mariage, genre c'est le témoin A et témoin B, et ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, est-ce que... Parce que tu vois les vaisseaux qui se barrent, et tu sais qu'ils sont restés à terre dans l'arène comme des grosses merdes, donc est-ce qu'ils ont dealé quelque chose pour avoir un vaisseau, pour pouvoir se barrer, et pouvoir rejoindre Padmé et Anakin? Est-ce que les mecs, ils se sont dit... Parce que t'as aussi tout ce passage où Padmé, elle se casse la gueule dans une dune, et t'as Anakin qui va la chercher, et t'as... Et t'as Obi-Wan qui fait non, tu laisses tes sentiments prendre le dessus, il faut pas que t'y retournes, etc. Mais genre, ils vont pas envoyer un truc pour aller sauver Padmé, mais ils vont aller envoyer un truc pour récupérer deux droïdes dans une planète méga hostile pour qu'ils soient témoins de mariage. Enfin, vraiment, ça m'a sorti du film, quoi. Ça se trouve, t'as Padmé et Anakin qui ont fait bon, on a failli crever, j'ai perdu un bras, viens, on se marie peut-être. Surtout que tu m'as dit que tu m'aimes. Ouais, ok. Et puis là, ils vont voir le gars et puis il fait bah, il faut des témoins pour se marier. Ah non mais attends, on a dit que ce serait secret, on peut demander à Jar Jar. Non, tu me casses les couilles avec ton Jar Jar. Trouve quelqu'un d'autre. Bah on peut demander au R2-D2. Ouais. Attends, et du coup ils vont chercher. C'est ça. Et ils vont chercher R2-D2. Oh putain, tu nous as fait chier, on a bien eu du mal à te trouver. Mais c'est qui ce couillon avec toi? C'est le mien, il est à moi maintenant. C'est moi qui l'ai ramené de Tatooine. Viens, c'est mon témoin. Allez, s'il te plaît. Ouais, ils vont voir le prêtre et le prêtre, il est là, vous foutez de ma gueule. Bon, écoute, c'est un Jedi, je suis sénatrice, j'étais la reine. Tu veux combien? C'est 3PO, du coup, il sert de photographe de mariage. Hein. Il a envoyé un mail à tous les contacts et tout avec le petit... Save ils the se date. Sont dit oui. Venez vite. Avec un PowerPoint dégueulasse. Oui. Il y aura des cartons avec votre nom. J'ai fabriqué des aimants et tout, des trucs souvenirs. On vous enverra les dragées, vous inquiétez pas. Tu sais, c'est le montage vidéo du mariage du tonton qui est avec du Joule, du coup. Et là, pour une fois que ce serait approprié de faire des bisous, alors c'était personnel, mais je trouvais que la scène de bisous était un peu ratée. Ça manquait d'émotion. En même temps, elle doit être mal à l'aise. Le mec, il lui attrape les mains avec sa main robotique. C'est « Ah merde, j'avais oublié que t'avais ça maintenant. » Non mais tu vois, là, pour une fois que ce serait approprié... Du coup, ils mettent pas le passage ensuite du mariage où ils ouvrent le bal sur « Wesh alors » et tout. Et voilà le buffet de poire. Merde. Bon, vous mangez que des couverts, hein. Franchement. Les mecs, vous êtes dégueulasses, quoi. Bon, et on est arrivé au bout du film. Et là, il y a le meilleur moment. T'as... On est plus long que le film. T'as le générique de fin. On est plus long que le film. Oui, on est plus long que le film. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Et c'est parce qu'on a rajouté l'arc avec R2. Ouais. Ah. C'est-à-dire que ça, maintenant nous, on a rajouté du lore. Hein. T'as Obi-Wan qui a pas de pouvoir. J'aime village. De plus en plus cette théorie. Plus j'y pense. Plus maintenant, tu vas voir les films avec un nouveau regard. Ouais. Ouais, et comme on a dit, hein, toujours positif, maintenant on a rendu le film bien. D'ailleurs, c'était Grushkov qui avait fait une blague sur le fait que je disais ouais, bah c'est bien aussi la preuve que la bataille sous la flotte, les caps, c'est pas pratique. Et c'est pour ça qu'ils virent tous leurs bures Jedi quand ils doivent se battre. Et t'as Grushkov qui fait oui, mais c'est pour ça qu'à la fin, Obi-Wan, il en a plus rien à foutre. Il se vire, lui, de sa bure. Il laisse que la bure dans l'épisode. Il fait « Oh, j'en ai marre !» Ouais, les vêtements de Jedi, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils s'habillent tous comme, pareil, sauf la Twi'lek, qui est évidemment en bikini. Je veux dire, bah, voilà, c'est George Lucas, quoi. Oui, bah, il fait chaud. ça se trouve c'est comme la nana dans le jeu vidéo là où non mais sa peau elle est trop sensible au tissu. C'est pour ça qu'elle est à moitié à poil. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oh putain, oui, c'est vrai. C'était pas dans un Metal Gear récent. Si, c'était dans Metal Gear 5, Solid 5. Elle a la peau trop sensible, donc elle peut pas porter des vêtements. Mais du coup, les coups de soleil, ça fait rien ou... Genre, elle est en Afghanistan, la meuf, mais bon, c'est pas grave. Genre, le soleil, elle est pas sensible, mais le coton, oui. Donc, d'accord. Ouais. Oui, bah écoute, avant de partir faire une mission, elle se tartine d'écran 2000. Mais alors globalement à la fin, est-ce que c'est juste pas un bon Star Wars ou est-ce que c'est pas bon de base pour vous? Oh non, c'est, bah, les deux. C'est pas bon de base, hein, vraiment c'est pas. Mais... Moi je j'aime pas. Hein. J'aime bien Ewan McGregor, il est sympa, il est drôle. Malgré ouais, lui, mais on peut pas tout jeter, mais c'est vrai que. Il y a des jolis plans. Il est encore plus drôle avec le nouveau lore du coup. C'est vrai de le revoir, là c'était quand même un sacré choc, c'était pareil que Ginger, je crois que je l'avais pas revu depuis la sortie. Et vraiment, tout ce délire autour de la nouvelle trilogie en disant que c'est une catastrophe par rapport au film précédent, mais les mecs ont pas revu les films, quoi. Non mais c'est ça. Bah perso en fait, ce qui me perturbe beaucoup dans le film, et le fait de l'avoir revisionné aujourd'hui, ça m'a permis de le faire ressortir, c'est que tu sais pas quel est le ton du film. C'est que d'un côté, effectivement, on te montre un personnage, le personnage d'Anakin, qui est un espèce de connard possessif, imbu de lui-même, super égocentrique, etc., qui fait du mal autour de lui, et dès qu'il a un pet de travers, il assassine des gens. Du coup, il est quand même montré de manière négative. Mais d'un autre côté, t'as tout un discours sur le fait que, ouais, mais quand même, il est malheureux, il lui arrive des choses qui sont difficiles, et puis t'as aussi le discours de Yoda sur, ouais, enfin, en même temps, les Jedi sont un petit peu tous des connards. Donc d'un côté t'as le film qui excuse le fait qu'Anakin soit un connard, et d'un autre côté et on en fait un martyr, et d'un autre côté c'est quand même le héros, et c'est lui qu'on est censé c'est lui qu'on accompagne en fait du début à la fin. Et moi c'est ça qui me gêne, c'est que tu sais pas à qui le film est destiné, et tu sais pas comment tu dois percevoir le personnage d'Anakin. Et j'ai pas l'impression que ce soit George Lucas en mode je vais vous présenter un personnage ambigu. C'est juste l'impression que c'est George Lucas qui a posé sa caméra, il a laissé les acteurs faire des trucs, et quand il y a eu des corrections sur le script, il s'est pas dit je vais essayer d'harmoniser le tout, il s'est dit je vais mettre les scènes dans l'ordre chronologique et puis ça ira bien, quoi. Mais en plus je pense qu'il avait trop plein d'idées. Il s'est dit ah faut que je mette ça, et du coup il a fait un truc, il a tout mis. Voilà, il y a tout, mais pas assez exploré, pas bien exploré parfois. Et du coup, après, il s'est dit, moi, je vais faire une série animée, hein, parce que de toute évidence, j'ai pas réussi à tout casser comme je voulais. Mais c'est quand même assez fou, voilà, c'était pas son premier film, et puis même, il a fait des films qui étaient bons. Je parle pas que de Star Wars, je parle même des trucs qu'il avait fait avant Star Wars, il en avait fait quelques-uns. C'est assez incroyable de voir des erreurs de débutant de la part d'un mec comme ça. Ouais. Non, puis même, après c'est un truc que je reproche de manière générale à plein de films, et là ça, je sais pas si ça peut aussi s'appliquer à la prélogie, c'est que je n'aime pas quand un film il essaie absolument de tout expliquer et de donner une origin story à tout. Par exemple, franchement, qu'est-ce qu'on a à carrer de Jango Fett? Parce que est-ce que au contraire le personnage de Boba Fett il aurait pas été plus intéressant en disant bah voilà c'est un mec qui a la haine et tu sais pas vraiment pourquoi? Tandis que là, c'est oui, il a la haine, parce qu'en fait, son père, il avait été pris comme modèle et tout pour faire des clones. On s'en bat les steaks. Son père qui est pas vraiment son père, mais qui est une version plus vieille de lui, parce que lui, en fait, il est un clone, et du coup... Non, mais voilà, enfin, c'est... Je trouve ça stupide, quoi. Et c'est toujours le truc de forcer en mode... J'ai vraiment l'impression que George Lucas, c'est le mec, il a fait un film, après, il s'est dit... Oh merde, j'aurais pu mettre des trucs. Ouais, je vais faire genre, j'ai créé un lore et tout ce que j'ai fait depuis le début était intentionnel. Mais ça se voit que c'est pas intentionnel. Ça se voit que le mec, il a pris des trucs à droite à gauche, il a fait... Ce personnage-là, je sais pas quoi en faire. Ouais, on va dire que c'est le clone de son, de lui-même, mais il croit que c'est son père. Ouais, vas-y, c'est bien ça. Mais non, arrête! Arrête de faire des trucs, genre, tu poses ce stylo tout de suite. Arrête de faire des trucs. Et puis, du coup, on va dire que l'histoire de Dark Vador, c'est trop tragique, genre, il perd tout ce qu'il aime, donc il faut que je lui trouve une romance, donc je vais écrire une belle histoire d'amour, bien romantique, les gens, ils vont être, c'est trop beau, l'amour. Et du coup, eh ben, il va la harceler, ça va être trop bien. Ça marche bien. Mais je sais que je me répète, mais voilà, c'est ça qui est dommage, c'est pas l'idée est pas mauvaise en soi, c'est maltraité. C'est juste mal foutu. Ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être bien d'avoir justement un mec avec trop de responsabilités qui n'arrive pas à le gérer. Il y a d'autres médias qui ont géré des trucs comme ça, des histoires comme ça, et qui l'ont bien mieux fait que ce film-là. Bah surtout, je crois que c'était toi qui le disais tout à l'heure, mais que ça aurait peut-être été intéressant de montrer dès l'épisode 1 les destins un petit peu parallèles en fait, entre Anakin... qui est pris dans un truc de Jedi, et là je suis l'élu mais j'ai trop de responsabilités sur ma gueule, et d'un autre côté Padmé, on me met sur les épaules une responsabilité qui est lourde à gérer. Ça aurait été sympa peut-être dès le départ d'en faire des personnages qui ont plus ou moins le même âge et qui ont des vraies interactions et pas juste Anakin qui fait ah t'es belle mais tu fais souffrir qui bave. Mais on en arrive là en fait, en conclusion c'est que George Lucas, il avait, c'est pas un réal, c'est pas un scénariste hors pair, c'est un type qui s'est dit on va créer un univers qui est super cool, on va créer un truc qui va vendre plein de jouets et qui vont être super classe. Et en fait, pour ça, l'épisode 2, il est réussi. Il y a plein de super nouveaux vaisseaux, il y a des super droïdes, il y a des machins de transport. Enfin, ça va rendre d'enfer. Et puis derrière, en fait, quand il avait fini de créer tous ces petits vaisseaux et tous ces éléments, il s'est dit tiens, faudrait peut-être que je rajoute un morceau de scénar. Et je pense que c'est à partir de là que ça a commencé à pêcher, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est dit, tiens, bon, je vais réussir à peu près à rentrer dans mon budget en termes de produits dérivés, il a dû faire un arrêt et un stop en se disant, ah, attends, il faut faire un film maintenant. On peut pas faire... Et après, c'est pour ça que je trouve que, du coup, peut-être, on se rend compte que c'est meilleur avec les séries animées, parce que justement, c'est dense. C'est fait pour être un format série, sur certains points de vue. Peut-être qu'il est mieux en une sorte de showrunner, un peu comme le mec qui supervise les Marvel. Il réalise pas lui-même, mais plus ou moins, il dit, voilà, c'est pas lui qui met les mains dans le cambouis, mais il donne une idée globale, il crée l'univers, et il laisse les mecs jouer avec. Là, c'est pour ça qu'il a revendu à Disney, en fait. Ouais, finalement, voilà. D'ailleurs, on a peu parlé du pauvre Qui-Gon qui assiste au film sans pouvoir rien faire. Le mec, le seul moment où on entend parler de lui, c'est « Oh putain, mais Anakin, qu'est-ce que tu fais, merde ?» Ça, c'est un truc que j'ai appris plus tard, pour le coup. Quand j'ai vu le film la première fois, j'avais pas du tout capté. Bah, surtout qu'en VF, c'est pas du tout en mangeant en body Gungan, c'est une nouvelle voix, ça n'a rien à voir. C'est peut-être pour ça, ouais. Mais t'as Qui-Gon qui intervient, genre « Oh mon Dieu, qu'est-ce que fait Anakin ?» Et donc, ça veut dire que le mec, il suit Anakin partout, il est genre « Mais qu'est-ce qu'il fait, ce blaireau ?» Je croyais que c'était l'élu. Tu me fais délirer avec tes Gungan, Grushkov. Bref. Bah, on en est arrivé au bout, là. Enfin. Après 1h19, ah non, ça c'est pour Matt. Le pauvre. Je suis méchant avec lui, le pauvre, il ose même plus parler. C'était vraiment... Moi je me suis beaucoup amusé, merci beaucoup à Ginger. Plus qu'en regardant le film. C'est clair. Du coup on va s'arrêter là, on va dire... Où est-ce que on peut te retrouver, Ginger, sur les internets? Ça commence par 3W. C'est très connu. Non, mais effectivement, sur ma chaîne YouTube, Ginger Force, c'est vrai que je lui ai même pas donné de nom parce que j'avais un peu la flemme. mais en ce moment, je suis beaucoup plus présente sur Twitter où je shitpost pas mal en ce moment. on est là pour ça. Il y a du boulot. Exactement. Sur Twitter. Ouais. Oui. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était super, franchement. Merci beaucoup. Pour le podcast, peut-être les autres invités, est-ce que vous voulez qu'on vous retrouve sur Twitter ou pas? Ah ben, on a les mêmes pseudos, alors ça devrait pas être trop difficile. Ouais, donc c'est Tristenza avec EN et un Z et un A et Jean-Ezeb. _EZM. Underscore, oh pardon. Ah, voilà. Mais underscore. En même temps, vous n'entendrez pas beaucoup parler de Star Wars, ça parlera essentiellement de train, donc ça vous passionnera. <ça. rire> Et sinon, vous pouvez retrouver le podcast sur, sur Facebook, c'est Faucon Millennial, et sur Twitter, @FauconPod. Merci beaucoup. Vous n'avez pas la force comme Obi-Wan. Du coup, je ne peux pas vous dire que la force soit avec vous, mais prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ciao. Salut. Salut. Haunting! Can you see me now?